à Sita. Pour l'écouter, 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, on m'a su plancher. Dans Tervision, le blog du pharmacien sera décliné en série cet automne sur Ici Explora. Je regarderai pas ça, c'est même trop tôt pour faire sortir la série pour faire face à ses besoins et lui lancer à la balle. Dans le segment Geek Clinic, Ford imagine des taxis autonomes qui vont au-devant des clients. Taxi payant va devoir s'adapter, peut-être qu'Alexandre Barrette va répondre aux questions à votre place. Et dans Merci Science, a-t-on créé l'alliage hors titane de l'armure d'Iron Man au Mathieu Plancheau? Voici celui qui est un alliage parfait entre une mauvaise blague et un animateur radio moyen. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 1er août 2016, comme toujours la chronique télévisuelle Television, la chronique de science, technologie et médecine, merci science, le segment Geek CNX et à toute fin, c'est un fait Tech Edition. Dans quelques instants à peine, on va commencer avec Television, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspiré par les jeux vidéo, encore créé à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait est par Lazy Nerd, qui me décrit très très bien aussi. Voici This Is Our House, c'est tout de suite au Mathieu Plante Show. Lazy Nerd avec This Is Our House pour Mathieu Blanchot. Maintenant c'est Television. We'll be right back. d'origine télévisuelle de la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, des nouvelles télévisuelles, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde ou sur Internet. Commençons, bien sûr, au niveau local avec le Québec et le blog du Pharmachien qui va être décliné en série cet automne sur la chaîne Ici Explora. Les aventures du Pharmachien déboulonneront les mythes sur la santé avec humour et précision. Ici Explora diffusera cet automne la toute nouvelle production originale Les aventures du Pharmachien, une série inspirée du blog à succès qui dissèque les fausses vérités et les croyances populaires en santé. Produite par Datsit, cette série de 15 épisodes de 30 minutes sera animée par le pharmacien lui-même, Olivier Bernard, qui s'est donné pour mission de différencier le vrai du n'importe quoi en santé, en restant fidèle à la facture très colorée du blog. Chaque épisode portera sur un thème précis issu d'un questionnement du pharmacien lui-même. Par exemple, l'intolérance au gluten, les cures détox pour le foie, l'hypnose, etc. Pour étayer ses différentes hypothèses, il ira à la rencontre de spécialistes, fera des tests et nous présentera les résultats d'études crédibles. Pour l'aider dans ses missions, le pharmacien comptera sur la collaboration créative de Pierre-Luc Gosselin et Nicolas Savard-L'Herbier, duo plus connu sous le nom des Satiriques. À chaque étape de la scénarisation aux effets spéciaux, leur folie sera mise au service de la science. De plus, un site officiel de l'émission permettra au public de développer son sens critique pour mieux remettre en question les croyances liées à la santé. J'ai très hâte de voir ça. J'espère vraiment que ces petits bonhommes animés vont faire une apparition. J'espère qu'ils vont être bien animés. Ensuite, on s'en va aux États-Unis. On n'a rien au Canada et on n'a pas grand-chose au Québec. Donc, Lifetime a donné le feu vert à une version télévisée du film Beaches entre deux plages de 1988. Cette nouvelle série mettra en vedette la grande Idina Menzel, qu'on connaît pour le film Frozen. C'est elle qui fait le personnage principal. Elle va jouer aussi le rôle principal dans Beaches. Donc Beaches qui a été un succès au box-office en 88 avec des recettes de 57 millions de dollars aux États-Unis. Le film mettait en vedette Bette Midler qui chantait des chansons emblématiques comme Beneath My Wings et The Glory of Love dans la production. Idina Menzel va jouer le rôle en plus de chanter quelques chansons dans la série. Alison Andrews de Ring of Fire va réaliser la version télé à partir d'un script de Bart Baker de Honeymoon with Harry et Nicole Beckwith de Stockholm, Pennsylvania. A&E Studios va commencer la production le 15 août pour une diffusion en 2017. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est l'histoire de deux fillettes qui se rencontrent alors qu'elles sont en vacances à Atlantic City. Les vacances sont terminées, elles communiquent toujours par lettres jusqu'à l'âge adulte. C'est donc Beaches. C'est là qu'on a découvert Petite Fleur, Maïm Bialik, qui est maintenant dans The Big Bang Theory. Ouais. Ensuite, la 8e saison de Game of Thrones sera la dernière. Au grand dam des adeptes de la série télévisée Trône de Fer, la 8e saison sera la dernière. Le réseau de télévision HBO l'a confirmé. HBO avait récemment revisité la formule de la série, proposant une 7e saison écourtée à 7 épisodes. La saga fantastique, qui est une adaptation des romans de George R.R. Martin, prendra fin avec la 8e saison. Le nombre d'épisodes qui composeront celle-ci n'est pas encore déterminé, a indiqué le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys. Ce dernier a ajouté que ce nombre serait déterminé par les producteurs. L'annonce a été faite lors de la conférence estivale de l'Association des critiques de la télévision, la TCA. Des productions dérivées pourraient éventuellement voir le jour, on va en parler dans quelques instants. S'il n'y a pas de plan concret établi, M. Bloys a affirmé que l'équipe de production ne fermait pas la porte à cette possibilité. Game of Thrones reprendra les ondes l'été prochain avec sa 7e saison. La série ne pourra donc pas se qualifier pour les prix Emmys, on en parlait la semaine passée. L'an dernier, la série avait remporté des honneurs dans une dizaine de catégories. Justement, HBO veut des séries dérivées du trône de fer, oui. De nombreux événements décisifs dans la construction du monde imaginaire de Westeros n'ont en effet pas été abordés. Ces séries dérivées permettraient de faire vivre plus longtemps l'univers de la saga littéraire sur le petit écran, mais également d'offrir aux téléspectateurs de nouveaux visages et de nouvelles intrigues. La saison 6, décrite comme la meilleure depuis le début de la série, s'est achevée le 27 juin dernier. Les fans de la série devront patienter plus que d'habitude pour connaître la suite des aventures. Comme on l'a dit, la saison 7 sera pas avant l'été 2017. Ensuite, toujours aux États-Unis, Margaret Atwood va faire une apparition dans l'adaptation, oui, de son roman. Margaret Atwood qui va faire un tour dans le passé et devant les caméras grâce à l'adaptation télévisuelle de son roman Alias Grace. La légende de la littérature canadienne a révélé qu'elle apparaîtra dans la... j'ai pas vu que c'était canadien, je m'excuse. Ah, c'est une nouvelle qui aurait dû être dans le bloc canadien. La légende de la littérature canadienne donc a révélé qu'elle apparaîtra dans la mini-série de 6 heures qui sera présentée sur les ondes de CBC et sur Netflix dans le reste du monde. Alias Grace est basée sur le livre de Madame Atwood qui raconte l'histoire de Grace Marks, une jeune immigrante irlandaise travaillant comme domestique qui a été reconnue coupable de meurtre au Haut-Canada en 1843. Elle sera blanchie après avoir croupi en prison durant une trentaine d'années. Spoiler. Durant l'entrevue au sujet de l'apparition prochaine de son roman graphique Angel Cadbury et de son roman Hagseed, l'écrivaine a indiqué qu'elle jouerait une dame à l'air désapprobateur dans une scène se déroulant à l'église. L'auteur a récemment visité le plateau afin que l'équipe des costumes puisse prendre ses mesures. Le tournage de la scène devrait avoir lieu le 16 août prochain. Elle a confié avoir été impressionnée par l'attention portée aux détails par les artisans de la mini-série. Madame Atwood a également rencontré la scénariste et productrice de Alias Grace, Sarah Polley, ainsi que la vedette de la mini-série, Sarah Gaydon, et a fait l'éloge de leur contribution au projet, louant la qualité de l'écriture de Madame Polley et le jeu polyvalent de Madame Gaydon. Un autre roman de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale fait également l'objet d'une adaptation pour le petit écran avec les actrices Elizabeth Moss de Mad Men et Samira Wiley de Orange is the New Black. La série qui est produite aux États-Unis par Hulu et MGM Television devrait prendre l'antenne en 2017. L'auteur âgé de 76 ans a précisé qu'elle avait déjà écrit pour la télé dans les années 70 et 80, mais qu'elle n'avait pas l'intention de récidiver. Un article de la presse canadienne. J'aurais vraiment dû voir que c'était canadien quand c'est écrit par la presse canadienne. Les paroles du Notorious B.I.G. ont inspiré une nouvelle sitcom sur TBS. Presque 20 ans après la mort de l'infâme Biggie Smalls, l'histoire du rappeur va continuer au petit écran. Selon The Hollywood Reporter, TBS développe une comédie d'une demi-heure nommée Think Big, mais Think B.I.G. Prononcé Think B.I.G., on comprend. En l'honneur donc d'une des chansons qui n'est jamais sortie de l'artiste, donc une chanson de 1995. Une collaboration entre Bystorm Films et la mère du rappeur, Valletta Wallace. Et la nouvelle série va suivre un adolescent dans une ville miteuse, genre on appelle ça Inner City, qui essaie de se construire une meilleure vie et un meilleur futur pour sa jeune fille et son enfant, garçon. Chaque épisode va être basé sur des paroles de Notorious B.I.G. Qui est né sous le nom de Christopher Wallace. On ne sait pas encore quand ça va commencer, mais on sait que c'est sur TBS. NBC a essayé de changer l'ordre des Olympiques pour essayer d'avoir plus de codes d'écoute. On dit que les Américains pourraient regarder plus longtemps si les États-Unis étaient à l'arrière de la cérémonie d'ouverture, à l'arrière de la parade. NBC a payé environ 1,2 milliard de dollars pour diffuser les Olympiques. Ils voulaient tellement maximiser le public de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio 2016 qu'ils ont lobbyé sans succès pour faire changer l'ordre de la parade, selon les organisateurs brésiliens. Dans la parade des nations traditionnelles, les équipes entrent dans l'arène, en ordre alphabétique. Un porte-parole pour Rio 2016 a dit que les organisateurs avaient considéré une demande spéciale pour changer le langage de la cérémonie du portugais à l'anglais, ce qui aurait mis les États-Unis et ses 555 athlètes près de la finale, donnant au public américain une raison de regarder la diffusion au complet. Donc l'équipe va maintenant entrer à peu près dans le milieu parce qu'en portugais, la délégation s'appelle Estados Unidos au lieu de États-Unis, United States avec un U au début. Estados Unidos commence par un E. Le directeur des communications, Mario Andrada, a dit aux Américains que le comité international olympique, les règles en fait demandent que la langue officielle de la cérémonie d'ouverture soit la même que la langue officielle du pays qui est hôte des Jeux olympiques. Porte-parole de NBC a nié que le groupe a essayé de faire changer le langage, la langue. Il n'a pas commenté si NBC voulait vraiment changer l'ordre. Dans le fond, il a nié avoir lobbyé pour faire changer le langage, mais il n'a pas dit s'il voulait en fin de compte le faire. Il y a une différence entre vouloir le faire et le faire physiquement. Méchante drôle d'histoire pour vrai. Je trouve ça vraiment particulièrement drôle que les Américains soient aussi. Chaque pays est un peu de même. Les Américains sont pareils comme les Québécois. C'est nous, nous-mêmes et personne d'autre. On est juste les plus importants. Québec bashing! Maintenant, MTV crée MTV Classic. Viacom essaie de patauger un petit peu dans ses classiques du passé pour aider son futur. Donc, la chaîne VH1 Classic, qui était la maison des vidéoclips un petit peu plus pour les personnes plus vieilles, dans le sens que c'est des vidéoclips rétro, va changer de nom pour MTV Classic, va devenir la plateforme des jours de gloire de MTV. Voilà. Donc, Viacom passe son temps dans le passé pour essayer de comprendre son futur, son plus récent effort, et donc de s'installer dans la nostalgie. Viacom change VH1 Classic d'un réseau qui diffusait des performances, des concerts, des vues vidéoclips, et des vieilles émissions favorites de MTV, et donc maintenant des unplugged, des trucs comme ça, et maintenant ça va devenir la maison pour des séries cultes de MTV comme Beavis and Butthead et Daria. VH1 Classic donc il va changer de nom pour MTV Classic le 1er août prochain, le 1er août là ça vient de passer, là il y a deux jours, donc le 35e anniversaire du début de MTV. La chaîne revampée va focusser sur les succès des années 90 au début des années 2000. Ils vont aussi diffuser des émissions musicales, oui, comme Total Request Live, qui est le genre de plus sur commande qui a vraiment fait fureur pendant de nombreuses années sur MTV. Mais ce ne sera pas des rediffusions de Total Request Live en tant que tel, ça va être une rétrospective qui s'appelle The TRL Decade, donc la décennie de TRL, ainsi que des épisodes mémorables de MTV Unplugged. Donc le 1er août à 6h du matin, MTV Classic diffusait MTV Hour 1, qui montrait donc la première heure de programmation de 1981 à l'origine sur MTV. Ils avaient évidemment de mauvaises codes d'écoute. Viacom retourne donc dans sa voûte, retourne à ses racines pour essayer de créer un petit peu d'excitation. Ça dit que MTV avait en moyenne 461 000 téléspectateurs en prime time dans le deuxième quart de l'année. Ça baissait de 9% par rapport à la même période l'an dernier. MTV lui-même refocus sur ses débuts en musique, hein, ramenant plusieurs émissions centrées sur la musique pendant ses upfronts. Donc ça, c'est la présentation qu'ils font devant un public d'annonceurs publicitaires au printemps. Entre autres, Wonderland, la première émission en direct de façon hebdomadaire. La première émission, on va recommencer, la première émission série de performances musicales en direct hebdomadaire sur le réseau depuis près de 2 décennies. C'est beaucoup de sous-critères. MTV est aussi allé sur Snapchat pour ramener la série Cribs en série court-métrage, si on veut, où les artistes et les vedettes vont donner des tournées de leur maison. Là, je me rappelle, il me semble qu'il y avait eu ça à Musique Plus, il me semble. Je suis pas sûr, par exemple. C'est des demi-heures avant. Maintenant, ça va être des petites capsules sur Snapchat. Donc, Mariah Carey. Non, c'est ça. Ça dit pas de nom de vedette, ça parle de vedettes qui avaient participé dans le passé. Ils ont aussi ramené MTV News, donc des capsules sur les nouvelles de la musique. Donc on ramène plein de choses, c'est cool. Même chose pour Nickelodeon qui l'an dernier a commencé à diffuser un bloc rétro dans la nuit. Des émissions des années 80 et 90, entre autres Les Razmoquettes, Double Défi, donc Rugrats et Double Dare, Hey Dude. Il y a aussi, on va ramener en fait des films télévisés de Hey Arnold ainsi que Legends of the Hidden Temple qui s'en viennent bientôt. On ne sait pas encore si ça va avoir un grand impact de changer VH1 Classic pour MTV Classic. On souhaite pour eux. Hein? VH1 Classic avait de très petites codes d'écoute, seulement 32 000 personnes qui regardaient la chaîne en prime time dans le deuxième quart de l'année. Mais évidemment, c'était très obscur. Là. VH1 Classic, très, très, très obscur. On reste aux États-Unis. Snoop Dogg va être le producteur d'une série sur la marijuana et justement, ça va être sur MTV. Hein? Au moins, c'est musical par la bande. Snoop Dogg semble être le meilleur avocat du cannabis. Il en fait la promotion depuis de nombreuses années et présente même un show sur Internet dans lequel il fume en permanence. Cette fois, il devient producteur exécutif de la série Mary Plus Jane qui sera diffusée sur MTV. L'annonce de sa participation au projet a été faite lors de la conférence de presse d'été de la Television Critics Association. Il est apparu à l'événement qui s'est déroulé à Beverly Hills en Californie via une petite vidéo. La série suit les aventures de deux jeunes de la génération Y, interprétés par Scout Durwood et Jessica Roth, qui sont des ganja-preneurs, comme des entrepreneurs du ganja, à la tête d'une société de livraison de cannabis à Los Angeles. Les autres producteurs exécutifs, Deborah Kaplan et Henry Helfand, ont expliqué le rôle de Snoop Dogg. Je cite, « Il ne joue pas de rôle lui-même, il est un peu comme la fée Snoop. » Vous ne savez pas quand il va apparaître, vous devez regarder du début à la fin pour le voir. Plusieurs autres invités sont prévus, dont Seth Green ou encore Andy Daly. Snoop Dogg produit la série qui démarrera le 5 septembre sur MTV via sa société Mary Jane, c'est un jeu de mots, Mary comme dans Heureux, M-E-R-R-Y, une compagnie dédiée à la marijuana qu'il a fondée avec l'entrepreneur média Ted Chiang l'année dernière. Ensuite, on s'en va sur Internet maintenant avec une potentielle 5e saison pour Les Nouveaux Pauvres, Arrested Development. Après une 4e saison qui avait déçu les fans, la série au succès mondial Arrested Development, dont la production a été reprise par Netflix après Fox, devrait repartir pour une 5e saison. Réunir la distribution, c'est là tout l'enjeu de Arrested Development saison 5 et de son concepteur Mitchell Hurwitz qui a confirmé le retour du clan Bluth dans une histoire mêlant affaires de meurtre et références cachées à Donald Trump. Après 3 saisons au succès phénoménal, phénoménal peut-être sur DVD, peut-être ailleurs dans le monde, mais certainement pas aux États-Unis. En tout cas, produite par... Après 3 saisons, succès phénoménal, et ensuite une 4e produite par Netflix, ayant déçu nombreux fans, le 5e volet de Arrested Development devra éviter de réitérer ses erreurs du passé et revenir au format original dans la réalisation comme dans le casting. Ça va sûrement en parler plus tard dans l'article, mais les gens n'étaient pas disponibles pour tourner ensemble trop souvent, donc il y avait beaucoup de scènes détachées. Donc en 2011, Netflix a acquis les droits de la série à succès Les Nouveaux Pauvres, dont les 3 premières saisons diffusées de 2003 à 2006 sur Fox avaient conquis le public et lancé bon nombre d'acteurs, y compris Jason Bateman. Jason Bateman était lancé bien avant Arrested Development. Hein. Meilleur acteur de série comique en 2013 lors des Emmy Awards et vainqueur des Golden Globes dans la catégorie série également. Netflix, ambitionnant de rendre la série plus abordable, a rapidement décidé de s'attaquer aux piliers de la série et de changer son mode de tournage. L'abandon de la voix off narrative, le fait de consacrer un épisode par personnage, la rareté de Michael Bluth au rôle pourtant central sont autant d'éléments que de nombreux fans n'ont pu que désapprouver. La difficulté à réunir les acteurs clés Will Arnett, Jason Bateman, Michael Cera, David Cross, Portia de Rossi sur un même plateau a également pesé dans le choix de cette production remodelée et de ce tournage fragmenté. Il faut dire que leur succès fulgurant leur a ouvert des portes et que leur emploi du temps s'en est trouvé alourdi. Encore une fois, je doute un peu de la véracité de ça. Là. Les acteurs qui avaient la dedans étaient pas mal big bien avant la série. Mais bon. Mitch Hurwitz semble, selon Variety, avoir les plans de la saison en tête. Malgré tout, les négociations sont complexes et le contexte de dernière chance l'encourage à ne pas se précipiter. Il espère ainsi pouvoir réunir ses stars croulant sous les offres, s'attacher au script une fois chose faite, puis éviter toute réécriture qui nuirait à la fluidité du programme. L'intrigue orchestrée autour d'une histoire de meurtre loufoque se veut plus proche des origines de la série, avec le retour de scènes collectives et l'abandon des épisodes centrés sur un protagoniste. N'en déplaise aux fans invétérés, aucune date de sortie n'est encore programmée. Et le tournage devrait débuter, oui, au mois de janvier. Voilà, un article de Relax News qui s'informe pas trop. Toujours sur Internet et toujours chez Netflix, The Get Down entre dans la danse. The Get Down, donc la première série télé du réalisateur australien Baz Luhrmann, se montrera le 12 août sur Netflix. La naissance du hip-hop et du disco dans le New York de la fin des années 70 servira de base à cette histoire qui souhaite avant tout retranscrire l'effervescence artistique de cette époque. Les premières images dévoilées à travers de multiples bandes-annonces laissent entrevoir les ruines du Bronx, ses rues à feu et à sang. Le New York est filmé par Baz Luhrmann. Celui de 77 est alors au bord de la faillite, meurtri par la guerre des gangs, la pauvreté, la criminalité, le chômage, la drogue, loin de l'ambiance habituellement rococo et flamboyante de l'Australien, réalisateur de Gatsby le Magnifique ou Moulin Rouge. La série de Netflix se veut de réalisme total, social et sombre, fidèle de l'époque. Le Get Down ne souhaite pas pour autant basculer dans le documentaire et ajoute à ce décor gris une touche colorée et musicale par le biais d'un groupe d'adolescents remplis d'espoir qui rêvent de changer le cours des choses grâce à leur talent musical. Aux scènes musicales et prestations hip-hop et disco viendra se greffer par ailleurs une romance glamour et compliquée. Le service américain est devenu en quelques années un véritable acteur du monde des séries, diffuseur de créations originales très suivies et récompensées, on le sait. Avec un budget de 120 millions environ, la nouveauté devient l'une des séries les plus chères de l'histoire de Netflix. 2 ans et demi auront été nécessaires pour mettre sur pied ce projet qui a vu passer depuis son annonce fin 2013, pas loin de deux auteurs producteurs et de multiples scénaristes. À l'heure où les grands noms hollywoodiens servent d'appât pour concrétiser ce genre de fresque épique, celle-ci présente la particularité d'être interprétée par de jeunes acteurs, de surcroît pratiquement inconnus du grand public. On parle de Shemik Moore, Justice Smith, Harrison Guardiola, qui tiennent les rôles principaux. Ensuite, le seul qui est connu, c'est Jaden Smith, le fils de Will Smith. C'est quand même un énorme nom. Sur les 13 épisodes commandés, 6 seront disponibles dès le 12 août sur Netflix. Justement, parlant de Netflix, les gens qui sont inscrits à Netflix font une meilleure affaire, voilà, que les gens qui sont abonnés au câble, nous dit-on. Si on regarde une facture de câble, on sait que c'est beaucoup plus cher par mois que Netflix. Mais si on parle d'heures de visionnement, Stephen Lovely chez AllFlix a récemment calculé, a fait les mathématiques nécessaires basées sur les données de Nielsen et Netflix. Et Vocative a fait un petit infographique qu'on peut voir sur assemblagerequis.com. Dans sa recherche, Lovely nous apprend que les gens qui sont inscrits au câble passent beaucoup plus de temps à regarder la télé par mois que les utilisateurs de Netflix, mais finissent par payer environ 3 fois le prix par heure que Netflix. Selon Nielsen, une personne moyenne qui a le câble passe environ 5h38 par jour, ce qui veut dire 161,4h par mois devant la télé, comparé à environ 1,67h par jour ou 50,1h par mois pour les gens qui ont Netflix. Si les deux cotes coûtaient le même montant, le câble mènerait avec un frais par mois, donc mensuel, d'environ 10 fois celui de Netflix en moyenne. Le service de streaming prend la couronne comme la meilleure valeur. Il faut aussi noter que c'est une illustration basée sur l'argent dépensé et les heures regardées en moyenne, mais ça ne prend pas en compte la qualité de l'expérience du téléspectateur, comme le contenu original versus la programmation premium, genre HBO, ou encore la rewatchability, donc la re-regardabilité, par exemple des émissions qu'on regardera en direct ou des trucs qu'on pourrait se taper plusieurs fois. C'est un peu impossible à calculer. Donc allez voir le graphique si ça vous tente sur assemblagerequis.com. En gros, le câble coûte 61,4 cents par heure, Netflix 20 cents par heure, ce qui fait 99,10 par mois divisé par 161,4 pour la télé, alors que l'autre, ça fait 9,99 par mois divisé par 50,1 heure. C'est ça les formules qu'on a utilisées. Justement, parlant de télé sur Internet, parlant de câbles, de IPTV et de satellites, le nombre d'abonnements en baisse et est revenu stable. Le rapport du CRTC sur les entreprises du câble de l'IPTV, IPTV étant la télé sur protocole Internet, et le satellite ne comprend aucun renseignement non lié à la programmation. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos bons amis du CRTC, publie les résultats financiers de 2015 concernant les entreprises canadiennes de distribution par câble, par protocole Internet et par satellite. Le rapport du CRTC sur les entreprises du câble, IPTV et satellite ne comprend aucun renseignement sur les services Internet et téléphonique ni sur d'autres éléments non liés à la programmation, mais le CRTC publiera des renseignements sur ces services dans la prochaine édition du rapport de surveillance des communications à l'automne 2016. En 2015, les entreprises du câble, IPTV et satellite ont enregistré une légère baisse de revenus de 11,8 millions de dollars ou 0,1% pour atteindre 8,9 milliards de dollars et une augmentation de 1,3% des dépenses pour atteindre 7,2 milliards de dollars. En 2015, les entreprises du câble et de IPTV ont déclaré 6,6 milliards de dollars de revenus provenant de leurs services de programmation. Ce montant représente une augmentation de 1,7% par rapport aux 6,5 milliards de dollars en 2014. Les revenus des entreprises de satellites ont baissé de 5,2% et ceux d'IPTV ont augmenté de 0,3%. Je saute quelques chiffres. Le nombre de foyers canadiens qui étaient abonnés au service par satellite a enregistré une baisse de 7,2%. On se comprend avec la télé par fibre optique qui coûte pas vraiment plus cher. Les satellites vont prendre le bord sur un méchant temps, puis avec raison. Le nombre total d'abonnés a baissé de 11,4 millions en 2014 à 11,2 millions en 2015, continuant la tendance des deux années précédentes à aller s'inscrire à de la télé sur Internet, j'imagine. Par contre, en 2015, les revenus moyens par abonné ont augmenté de 65,25$ à 66,08$ par mois. Les entreprises de services IPTV ont de nouveau connu une croissance à deux chiffres en 2015. Les dépenses des fournisseurs de services de télévision pour la création et la production de contenu canadien ont diminué de 38,1 millions de dollars en 2015 pour atteindre 436,9 millions de dollars. Sur ce montant, 219,6 millions de dollars ont été versés au Fonds canadien des médias, 64,7 millions de dollars à des fonds indépendants et 152,6 millions à des chaînes communautaires ainsi qu'à d'autres sources de contenu local. La marge d'exploitation des entreprises de câble et IPTV a augmenté de 15,8% en 2014 à 16,1% en 2015. La marge d'exploitation des entreprises de satellite a diminué de 32% en 2014. Les dépenses d'exploitation des entreprises de câble, IPTV et satellite ont augmenté par 1,3%. En 2015, les entreprises de câble et de IPTV ont dépensé plus de 2,6 milliards de dollars en frais d'affiliation pour les services payants et spécialisés qu'ils retransmettent. Ça représente une augmentation de 5,7%. Et les frais d'affiliation des entreprises de services par satellite ont diminué de 2,9%. Le CRTC a récemment publié les résultats financiers des services de télévision spécialisés payants à la carte et de vidéos sur demande, des stations de télévision traditionnelles et des stations de radio AM et FM. Si ça vous intéresse, que c'était pas trop de chiffres pour vous, allez voir sur assemblagerequis.com. Maintenant, comme on n'a pas de séries imprimées ou journaux, magazine, on est dans télévision, c'est des médias, donc parlons d'imprimés un peu. L'imprimé qui est toujours la plateforme dominante pour la lecture des Canadiens. Pour ce trimestre, la façon de mesurer le lectorat numérique est plus précise et plus rapide. C'est ViviData qui a publié l'étude du premier quart de 2016 sur les consommateurs canadiens. La façon de mesurer le lectorat numérique étant plus précise et plus rapide, aucune comparaison directe ne peut être faite entre les résultats numériques du quart 1 de 2016 et les mesures du quart 4 de 2015. Les derniers résultats confirment la constance des niveaux de lectorat pour l'ensemble des magazines et des journaux. Ainsi, les journaux et les magazines jouent un rôle important dans la vie des Canadiens en rejoignant 9 adultes sur 10 par semaine. Hein? 9 adultes sur 10 par semaine? Hey boy, OK, ça me surprend un peu. La façon dont ils lisent continue de changer. 70% des adultes canadiens lisent des magazines, ce qui est comparable au niveau de lectorat d'il y a 5 ans. L'imprimé est sûrement qu'ils ont fait leur sondage seulement chez les personnes âgées. Sérieux. L'imprimé est toujours la plateforme dominante avec 55% qui ne lisent qu'en imprimé et seulement 8% qui ne lisent qu'en numérique. 37% lisent à la fois à partir d'un appareil mobile et en imprimé. Ce lectorat multiplateforme est constant pour tous les groupes d'âge. Les plus hauts niveaux de lectorat multiplateforme se produisent pour les titres de magazines suivants: Actualité, Divertissement, Ville, Affaires et Sport. Le lectorat de quotidien est toujours fort alors que 8 adultes canadiens sur 10 lisent un journal chaque semaine. L'imprimé est toujours important. En moyenne sur semaine, 70% des adultes lisent une édition imprimée plus numérique ou imprimée seulement et 30% lisent des éditions numériques seulement. Les gens lisent différemment en semaine et en fin de semaine. Durant la fin de semaine, le format imprimé domine avec 52% qui lisent imprimé uniquement versus 40% durant la semaine. Des lecteurs de tout âge continuent d'être interpellés par les marques de journaux. Au cours d'une semaine moyenne, les quotidiens rejoignent 77% de la génération des millénaires, donc 18 à 34 ans. Et 85% des adultes âgés de 50 ans et plus. Le lectorat numérique et multiplateforme est à son plus haut niveau auprès des millénaires avec 38%, ce qui est 18% plus haut que pour les adultes 50 ans et plus. La plus récente étude sonde 18 000 consommateurs provenant de marchés à travers le Canada d'avril 2015 à mars 2016. Cette étude faite à partir d'un échantillon basé sur les probabilités mesure 113 publications et rapporte comment les consommateurs utilisent les médias imprimés et numériques dans un monde en constante évolution. à l'aide d'un sondage s'effectuant tout au long de l'année, donc sur 52 semaines, et publié chaque trimestre. ViviData offre un portrait à jour du comportement des consommateurs et des changements du marché, et ce, autant au niveau local que national, disent-ils. La prochaine sortie de ViviData est prévue au début de l'automne. Cela portera à la période de juillet 2015 à juin 2016. La sortie du deuxième quart de 2016 incorporera les résultats de plusieurs nouvelles questions sur l'usage de médias ayant débuté sur le terrain en janvier 2016. J'imagine qu'on parle entre autres de la presse plus qui est devenue uniquement numérique. Pour afficher les faits saillants sur les magazines, vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Il y a aussi les résultats de faits saillants pour les journaux des marchés principaux. Donc là, c'est sûr qu'on parle de lecture en général. Là, ça inclut sûrement tous les sites de magazines, les sites de journaux. Tout ça, donc ouais, je peux comprendre l'histoire de... c'était quoi le premier chiffre que j'avais dit tantôt? Les journaux et les magazines jouent un rôle important dans la vie des Canadiens en rejoignant 9 adultes sur 10 par semaine. Là, on comprend que c'est le partage sur Facebook et tout. Donc, ouais. En lisant l'article, ça a bien du sens quand même. Et on revient sur un sujet qu'on a abordé un petit peu la semaine passée, c'est Safarir qui demande maintenant l'aide du public pour produire son dernier numéro, exactement pour la raison que j'avais amenée la semaine passée. Le rédacteur en chef a sollicité l'aide financière de ses lecteurs afin de réaliser un 300e numéro avant que la revue humoristique s'éteigne à jamais. Je cite, Safarir a fermé boutique après 29 ans et 299 numéros, pourquoi ne pas finir en beauté avec un 300e numéro de collection de 300 pages? C'est ce que j'avais dit, je pense que c'était assez, peut-être même logique, peut-être qu'ils ont même espéré que les gens commencent à dire « Ah là, pourquoi vous n'avez pas fait un chiffron? » C'était peut-être ce qu'ils souhaitaient depuis le début. Donc c'était Michel Bouchard qui a dit ça en introduction de sa page sur Kickstarter. Je cite encore, avec le déclin du monde de l'imprimé, Safarir ne peut malheureusement plus continuer à publier, si bien qu'on a été forcé d'annoncer la fin des activités. C'est plate, un chiffre qui n'est pas rond, 299 signifie qu'il manque un seul numéro pour atteindre le chiffre 300, peu de magazines mensuels auront publié 300 numéros au Québec, c'est un véritable espoir, blablabla. Les dollars recueillis serviront de mise de fonds pour la publication et les profits, les profits seront remis sous forme d'une bourse pour la relève dans la bande dessinée québécoise. Personne ne touchera un seul dollar pour la mise sur pied et la production de l'album. Le tout est fait à titre bénévole. En moins de 24 heures, 47 personnes ont contribué financièrement au projet pour une somme totale de 2080$. La plupart de ces gens-là, j'imagine, ne lisaient plus du tout Safarir depuis vraiment longtemps. Mais on veut en voir un dernier, on veut peut-être voir un best-of, peut-être les meilleurs moments. Bon, je sais donc que... ouais, bon, l'article rappelle que Mike Ward a fait la même chose, on s'en sac. Précisons d'ailleurs que la page couverture du 299e numéro avait Mike Ward sa couverture. Blablabla, on se comprend. Leur Kickstarter est rendu... ça commence. Ça commence, on peut pas dire que ça va super vite. Là. Mais avec 53 jours restants, on est rendu à 3 000 sur 55 000$ avec 66 contributeurs. Ce projet ne sera financé que si 55 000$ ou plus sont engagés d'ici le 26 septembre à midi 26 heures de l'Est. Donc allez-y sur Kickstarter, cherchez Safarir numéro 300, un dernier numéro pour la postérité par Michel Bouchard. Bonne chance à eux. Voilà, c'est terminé pour Television et son pendant médiatique en général. Maintenant, on retourne en chiptune pour aller entendre une pièce de Nitro 2K01. Ah oui, je me rappelle, celle-là, c'est... vous allez la reconnaître, mais pas besoin de vous la dire. C'est Fake Vader Dub. MPS, le Mathieu Plante Show. à CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. La pièce World of Scattering Flowers du jeu Bravely Default, remixée par Micah. Juste avant, c'était Fake Vader Dub par Nitro2K01 au Mathieu Plancho. Et maintenant, c'est Merci Science. Pour moi, ça, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par... on commence par Pokémon Go contre le diabète de type 2. Des chercheurs spécialisés en diabétologie voient en Pokémon Go, le jeu de chasse virtuel qui enfièvre des millions d'adolescents et de trentenaires partout dans le monde, un excellent moyen de lutter contre le diabète de type Kratos. Pokémon Go fait une incursion dans le monde médical. Le jeu frénétique qui fait bouger la planète entière n'a pas échappé aux chercheurs britanniques du Leicester Diabetes Center, spécialisé en recherche internationale sur le diabète, qui voit dans l'application une arme contre la sédentarité et l'obésité. Concrètement, le jeu mobile aux 75 millions de téléchargements dans le monde permet de partir chasser dans les rues des Pokémon. Évidemment. En matière de diabète, l'une des premières recommandations pour prévenir et traiter la maladie est de pratiquer l'activité physique régulière d'au minimum 2h30 par semaine. D'après cette nouvelle étude publiée dans la revue Diabetes Cares, intégrer des breaks, des pauses de 5 minutes toutes les demi-heures, oui, dans un mode de vie essentiellement sédentaire en position assise, réduirait significativement les niveaux d'insuline et de glycémie. Les pauses consistent principalement à marcher ou à faire quelques mouvements, d'où l'intérêt des chercheurs pour Pokémon Go qui pousse à marcher des kilomètres sans s'en rendre compte. En conclusion, les chercheurs préconisent ce jeu ludique et non violent qui peut se pratiquer en famille et resserre le lien social. Attention toutefois à ne pas laisser aller à des conduites dangereuses au volant en traversant la rue, en s'aventurant dans des endroits sombres et isolés. Parmi les causes du diabète, il y a toujours les facteurs de prédisposition comme les gènes, les antécédents familiaux, mais ce sont surtout le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, la sédentarité qui constituent les principaux facteurs. On reste avec le diabète maintenant on parle aussi, on reste dans le même domaine, diabète et obésité, nos bactéries nous protègent de ces choses-là. Les alimentations riches en fibres protègent l'organisme de l'obésité et du diabète. Le fait est connu, mais quelle en est la raison? Notre intestin et ses bactéries répondent les scientifiques d'une collaboration franco-suédoise qui ont élucidé le rôle de la flore intestinale dans la production de glucose entre les repas. La plupart des fruits et de nombreux légumes comme les salsifis, les choux et les fèves sont riches en fibres et ne sont pas directement digestibles par l'intestin, mais sont fermentescibles par les bactéries du microbiote intestinal en différents métabolites, tels que les acides gras à courte chaîne comme les propionates et le butyrate, qui eux sont assimilables par notre organisme. L'effet protecteur de ces fibres est bien connu des chercheurs. Les animaux recevant une alimentation riche en fibres grossissent moins et sont moins enclins à développer un diabète que les animaux qui n'en consomment pas. Néanmoins, les mécanismes à l'origine de cet effet reste mal compris. Dans une étude précédente, l'équipe de Gilles Mithieu, UMRS LCM 12-13, Université Claude-Bernard Lyon 1, avait démontré que ce mécanisme était en rapport avec la capacité de l'intestin à produire du glucose et à le libérer dans le sang entre les repas et au cours de la nuit. Or, ce glucose possède des vertus particulières. Il est détecté par le système nerveux présent dans les parois de la veine porte qui collecte le sang provenant de l'intestin pour l'amener au foie et au reste de l'organisme, qui à son tour envoie un signal nerveux au cerveau. En réponse, le cerveau déclenche un faisceau d'effets protecteurs face au diabète et à l'obésité. La sensation de faim diminue, la dépense énergétique de repos augmente et enfin le foie produit moins de glucose. Les acides gras à courte chaîne, propionate et butyrate faisaient le lien entre les fibres fermentescibles et la production de glucose par l'intestin en induisant l'expression des gènes et des enzymes de la synthèse du glucose dans l'intestin. Dans ce nouveau travail qui vient de paraître dans la revue Cell Metabolism, les chercheurs ont observé une très forte augmentation d'un métabolite précurseur du propionate, le succinate, par le microbiote intestinal de souris en réponse aux fibres dans l'alimentation. Ils ont aussi montré que celui-ci est converti en glucose sanguin par l'intestin. Alimenté avec un régime riche en graisse et en sucre, mais supplémenté en succinate, les souris ont moins grossi que les animaux témoins. Elles ont aussi été protégées du développement du diabète grâce à une sensibilité augmentée à l'insuline. Les chercheurs ont répété l'expérience avec des souris dont la capacité de leur intestin à produire du glucose avait été supprimée par manipulation génétique. Aucun effet protecteur n'a alors été observé. Ces souris ont grossi et sont devenues diabétiques comme les souris alimentées sans apport en succinate. C'est donc bien la production de glucose par l'intestin à partir du succinate qui est à l'origine des effets positifs sur l'organisme de ce métabolite. Ces recherches mettent en lumière le rôle de la flore intestinale qui, en fermentant les fibres alimentaires en propionate et de façon jusque-là insoupçonnée et en succinate, offre à l'intestin les précurseurs pour produire du glucose. Ils établissent par ailleurs l'importance de la production intestinale du glucose dans la régulation de la glycémie. Ils devraient permettre de proposer de nouvelles recommandations nutritionnelles ou de nouvelles cibles thérapeutiques pour prévenir ou soigner le diabète et l'obésité. Allons voir ce que c'est les salsifis, parce que je ne sais pas c'est quoi les salsifis. Salsifis sont des plantes herbacées appartenant à la famille des Asteraceae. Il en existe diverses espèces sauvages souvent méditerranéennes, mais on connaît surtout le salsifis cultivé, dont on consomme les racines cuites et les jeunes pousses en salade, ainsi que la grande bardane dans la cuisine japonaise. Eh ben, je savais pas ça. Nouvelle piste pour l'ordinateur quantique maintenant. Normalement, ce serait une nouvelle qui irait dans CNX, mais non. Ici, elle va dans la science parce qu'on parle de trous. Au sein d'un semi-conducteur, tout ce qui parle de trous, ça va être dans la science. Au sein de semi-conducteur, la répartition des électrons ménage des trous qui se comportent comme des particules de charge positive. La théorie dit qu'ils pourraient être utilisés comme des électrons pour porter les qubits d'un ordinateur quantique. La pratique vient de le confirmer avec une heureuse surprise à la clé. Ces trous résistent mieux à la décohérence, le cauchemar de l'informatique quantique. Donc, les boîtes quantiques sont des paquets d'atomes aux propriétés électroniques intermédiaires entre celles des semi-conducteurs et celles des molécules discrètes et formant des nanocristaux dont les dimensions sont inférieures à 10 nanomètres. Elles ont été découvertes au début des années 80 par le physicien du solide russe Alexei Ekimov. Selon leur taille, ces nano-objets peuvent absorber la lumière à différentes longueurs d'onde et la convertir en paires d'électrons-trous au sein du semi-conducteur. De quel trou s'agit-il? Dans le semi-conducteur, les électrons peuvent alors se répartir sur des niveaux d'énergie quantique, un peu comme dans un atome. Ces niveaux sont si serrés qu'ils peuvent être considérés comme deux bandes d'énergie continue. La plus basse est dite de valence et la plus haute est dite de conduction. Lorsque l'électron passe de la bande de valence à la bande de la conduction, par exemple en absorbant un grain de lumière, il laisse derrière lui une sorte de trou dans la bande de valence, qui va se comporter comme une particule massive de charge opposée, donc positive. Il se crée ainsi une paire d'électrons-trous capable de se déplacer dans le semi-conducteur. Je m'excuse d'avoir de la misère avec ma gorge, j'ai comme une odeur qui vient de pénétrer dans le studio, puis c'est comme... Bref, un groupe de physiciens... On dirait que quelque chose est en feu, ça. Un groupe de physiciens allemands, français et suisses s'est intéressé à ce genre de trou à l'intérieur de la boîte quantique. Tout comme les électrons, ils se comportent comme s'ils avaient un moment cinétique intrinsèque, un spin. Il devrait donc être possible de les exploiter de la même manière que des électrons et de leur faire porter des qubits, les analogues des bits classiques en théorie de l'information quantique. Puisque les trous ont une charge et un spin, ils sont comme des toupies aimantées. En utilisant un champ magnétique, on peut faire basculer ce spin vers le haut ou vers le bas, les deux seules valeurs possibles en physique quantique. Voilà de quoi, en théorie, coder des 0 et des 1 sous la forme d'états de spin dit haut ou bas. Or, d'ordinaire, le champ magnétique produit dans les noyaux des atomes par les protons et neutrons, qui sont aussi des sortes de toupies aimantées car ils contiennent des quarks chargés, va perturber l'orientation de ces spins. Il n'est pas le seul, d'autres effets entrent en jeu, notamment si le corps porteur des qubits contient de la chaleur. Dans les deux cas, c'est le phénomène de la décohérence, celui qui rend difficile et peut-être impossible la réalisation d'ordinateurs quantiques capables de supplanter les ordinateurs classiques, au moins dans la résolution de certains problèmes. La bonne nouvelle est que d'après les travaux de l'équipe de chercheurs publiés dans la revue Nature Materials, les trous sont moins sensibles que les électrons au champ magnétique des noyaux, de sorte qu'au moins à basse température, l'écriture et la lecture des qubits d'information pour des calculs quantiques sont moins sujettes à la dégradation qu'avec des électrons. Le chemin vers un ordinateur quantique mythique est dans le meilleur des cas encore long, mais les physiciens disposent donc maintenant d'une nouvelle voie de recherche dans cette direction. A-t-on créé l'alliage or-titane de l'armure de Iron Man? La réalité est souvent en dessous des rêves de la science-fiction, mais elle le rattrape parfois. Un nouvel alliage à base d'or et de titane, comme celui de l'armure de Iron Man dans le premier film, s'est révélé 4 fois plus dur que le titane, pourtant déjà utilisé comme blindage. Les geeks fans d'Iron Man devraient adorer la découverte des chercheurs de la Rice University aux États-Unis. Le réacteur ARC semble exploiter la fusion froide avec du palladium et fournit une forme d'énergie à l'armure du Vengeur doré. Reste du domaine de la science-fiction, mais le mystérieux métal dont elle est constituée semble aujourd'hui plus près de la réalité. Dans le premier film consacré à la saga du super-héros de Marvel, Tony Stark fait fabriquer la troisième version de son armure à partir d'un alliage de titane et d'or. En voir les performances, ce matériau doit être d'une dureté extrême et d'une résistance mécanique qu'il est tout autant. Le titane lui-même est déjà un métal largement utilisé comme blindage dans l'industrie militaire, justement du fait que c'est de ses propriétés mécaniques et de sa résistance à la corrosion et au feu. On le trouve même dans les éléments du moteur Vulcain d'Ariane 5. On ne peut pas en dire autant de l'or, loin de là. L'idée d'un tel alliage pour obtenir ce qu'ingénieurs de l'aérospatial et amateurs de science-fiction appellent un unobtainium, donc unobtained comme impossible à obtenir, matériau aux propriétés impossibles, hein? Pouvait paraître folklorique, uniquement motivé pour coller à l'aspect de Iron Man. Et pourtant, le travail des chercheurs états-uniens publié dans Science décrit bien un nouvel alliage de titane et d'or presque 4 fois plus dur que le titane. Certes, la dureté au sens physique du terme n'est que la propriété d'un métal à résister à la pénétration d'un poinçon. Elle ne présage en rien de sa ténacité, c'est-à-dire sa résistance à la traction. Mais le résultat est tout de même spectaculaire. La découverte de ce nouvel alliage relève de la sérendipité, donc du hasard, comme l'explique la physicienne Emilia Morrison. Avec des collègues, elle étudiait un alliage composé à part égale d'or et de titane parce qu'il était magnifique, alors que ces deux métaux ne le sont pas. C'est un peu superficiel, hein? Comme les physiciens de la matière condensée, ces chercheurs voulaient étudier la structure cristalline du matériau qu'ils avaient synthétisé en le réduisant en poudre pour une analyse par diffraction et par diffraction de rayons X. Cela s'est avéré impossible avec les moyens classiques. Intrigués, les physiciens ont voulu déterminer exactement sa dureté qui s'est révélée étonnamment élevée. Cherchant une explication, ils ont finalement découvert que l'alliage final comprenait en fait trois parts de titane et une part d'or, et qui était donc de formule Ti3Au. 3 en bas, là. Pas exposant, mais l'autre. En tout cas. Mais pas n'importe quel, car il en existe deux formes qui diffèrent par l'organisation des atomes dans le réseau cristallin. C'est un exemple de polymorphisme, c'est-à-dire la faculté d'un matériau de cristalliser en des structures différentes selon les conditions ambiantes. En l'occurrence, l'alliage Ti3Au en phase alpha est déjà connu et est aussi dur ou presque que le titane, mais ici, les chercheurs avaient involontairement produit la phase bêta. Cette forme provient de la voie de synthèse choisie, effectuée à haute température, contrairement à celle qui aboutit à la phase alpha. Tout comme le titane, les alliages de ce métal avec l'or sont également des matériaux biocompatibles qu'on peut utiliser pour des implants, par exemple dentaires, du fait de leur résistance. Il s'est avéré aussi que là aussi, oui, le nouvel alliage était supérieur. Là, je vais aller comme toujours chercher sur Wikipédia c'est quoi le contraire de l'exposant. Est-ce que je vais trouver la puissance? Rapidement comme ça. Exponentiation. Non. Ah, je le trouverai pas assez rapidement. Non. Je pense que non. Il y a trop d'informations sur Wikipédia. Hein? On reste dans la science. Encore des photographies qui peuvent produire de l'énergie solaire. En Finlande, une équipe de l'Université d'Aalto a mis au point un procédé d'impression par jet d'encre qui produit des cellules photovoltaïques sous la forme d'images et de textes à l'aide d'un colorant spécial. Elles pourraient servir à alimenter de petits appareils électriques, voire même être intégrées à leur décoration. Transformer un texte ou une image en cellule photovoltaïque à l'aide d'une simple imprimante à jet d'encre, c'est l'étrange prouesse d'une équipe de l'Université d'Aalto en Finlande qui vient de publier le fruit de ses travaux dans la revue Energy and Environmental Science. Energy and Environmental Science, dur à dire. Le système utilise une encre spéciale qui absorbe la lumière et laquelle produit de la chaleur qui est convertie en électricité. Plus la couleur est sombre, plus la quantité d'électricité produite est importante. Les cellules photovoltaïques ont été fabriquées à l'aide d'une solution à base de colorant concentré qui est déposé par jet d'encre sur un film d'oxyde de titane faisant office d'électrolyte. À l'origine, oui, cette combinaison a été mise au point à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse et l'équipe d'Aalto dit avoir voulu explorer la possibilité de s'en servir pour imprimer des textes et des images. Je cite, « La chose la plus difficile a été de trouver le bon solvant pour le colorant et les bons paramètres de jet d'encre pour obtenir une qualité d'impression précise et uniforme. » Ainsi, la technique permet d'utiliser des fichiers texte ou images comme source. Les chercheurs de l'Université d'Aalto se sont, par exemple, amusés à imprimer leur autoportrait ainsi que des codes QR. Selon eux, ces cellules sont aussi efficaces que les autres cellules photovoltaïques fabriquées par impression. Les tests ont montré un rendement de 6,4% qui perdurait au bout de 1000 heures d'exposition continue. Un tel rendement est très inférieur à celui des panneaux solaires des installations domestiques qui se situe aux alentours de 15%, mais la finalité n'est pas la même. En effet, pour les chercheurs d'Aalto, ce dispositif pourrait servir à alimenter de petits appareils électriques de faible puissance. Mieux, ces cellules pourraient être directement incorporées dans l'objet. Je cite, « Avec l'impression à jet d'encre, le colorant photovoltaïque pourrait être imprimé dans une forme déterminée par un fichier image. L'opacité et la transparence des différentes parties de l'image pourraient alors être ajustées avec précision. » Fin de la citation. Après, les cellules photovoltaïques plus fines qu'un cheveu humain qui pourraient être intégrées aux vêtements, cette nouvelle innovation ouvre des perspectives tout aussi prometteuses. Et pour terminer, quand les Transformers rencontrent la médecine, des micro-robots pourront bientôt nous opérer. De minuscules robots qui ont la capacité de changer de forme de la même manière que les Transformers, voilà ce que les scientifiques de la Suisse sont à veille de développer. Ces micro-robots pourraient changer la façon dont les médecins opèrent leurs patients. Des chercheurs des écoles polytechniques fédérales de Lausanne, toujours les mêmes, et de Zurich, ont conçu un prototype qui imite une bactérie, dont la flagelle se rabat lorsqu'elle rejoint le flux sanguin. L'engin est propulsé par un champ électromagnétique jusqu'à sa destination et sous l'effet de la chaleur, la microstructure se déplie selon la forme souhaitée pour l'opération. Depuis plusieurs années, les scientifiques étudient la possibilité d'utiliser des micro-robots en médecine. Les prototypes étudiés en Suisse pourraient livrer des médicaments à un endroit spécifique dans le corps ou encore procéder à des opérations précises comme dilater des artères obstruées. Je cite, nous testons présentement une multitude de formes et de combinaisons possibles afin d'en arriver à la meilleure option pour une tâche donnée. Les recherches nous permettent aussi de comprendre comment les bactéries se comportent dans le corps humain et s'adaptent dans un micro-environnement. Fin de la citation. Les recherches en sont présentement au stade de développement. On insiste pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, entre autres en ce qui concerne les effets secondaires liés à de telles procédures. Conçu à partir d'hydrogel biocompatible, qui est donc toléré par un organisme vivant, et de nanoparticules magnétiques, les micro-robots n'ont pas grand-chose à voir avec les robots qu'on connaît. Ceux-ci sont mous et flexibles et sont sans moteur. Mais comme n'importe quel autre robot, ils doivent passer par plusieurs étapes d'assemblage. Les nanoparticules sont d'abord ajoutées à des couches d'hydrogel avant qu'un champ électromagnétique ne les aligne. Une étape de polymérisation permet à l'hydrogel, de se solidifier quelque peu. On place ensuite le robot dans l'eau afin que l'engin prenne sa forme finale, déterminée par l'orientation des nanoparticules. Les collègues de Zurich ont aussi développé une plateforme afin de tester le design et le mouvement des robots. Leur étude a été publiée dans Nature Communications. Voilà, nous sommes à la fin de cette collègue de Merci Science. Merci Science. Allons voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens. Pendant qu'on écoute de la musique chiptune, c'est-à-dire qu'un nouvel album de J. Arthur King's Band, un de mes groupes préférés, le chiptune, c'est... j'en parle depuis des années, depuis que Mathieu Plancho et même avant ça, ce qu'on faisait avant. J'ai toujours joué du Arthur King's Band depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. J'ai toujours adoré ça. Et là, il y a un nouveau CD qui s'appelle Fuzzy Posters in Pain, en parenthèse, démo. Donc c'est super bon et c'est différentes pièces qui ne sont jamais sorties, donc 8 pièces unreleased, une collection de chansons écrites en 2013, il dit en fait écrites en 2013 probablement, hein, quelque chose de genre. Donc la pièce que je vous présente est, je l'ai ici, attention, c'est quoi, et sur mon bureau, et où, et là, oui, The Top of the World is a Bottomless Pit, non, The Top of the World or a Bottomless Pit, voilà. The J. Arthur King's Band, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Cutting off my ear, I'll take it to the heart like NGO. The J. Arthur Keane's Band. La pièce I Hate Your Guts. Je vous l'avais dit que c'était bon. Avant ça, c'était la pièce The Top of the World or Bottomless Pit. Deux pièces qui sont disponibles gratuitement sur Bandcamp. Allez voir The J. Arthur Keane's Band.bandcamp.com ou passez donc par assemblagerequis.com. C'est tellement plus facile. Hein? Maintenant, c'est le segment Geek Six. Pour revenir sur le J. Arthur Keane's Band, c'est certainement un des points d'entrée les plus faciles. Si vous voulez commencer à aimer le chiptune, étant donné que ça chante par-dessus, c'est vraiment très très facile d'entrer et après ça commencer à aimer le style chiptune. Je vous recommande de commencer par ça. Donc CNX, le segment geek, tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On revient sur une nouvelle qu'on a abordée il y a quelques semaines de ça. Je me souviens d'avoir parlé de Mario Kart qui faisait de vous un meilleur conducteur et que c'était scientifiquement prouvé. J'avais dit que j'allais pas lire l'article au complet. Finalement, je l'ai lu puis je trouvais ça bien intéressant. Donc lisons-le au complet ensemble. Hein? Vous passez votre permis de conduire, c'est l'excuse rêvée pour jouer des heures à Mario Kart. En effet, le titre publié le 13 juillet dans la revue Psychological Science affirme que les jeux vidéo d'action comme Mario Kart permettent d'améliorer nos compétences de conducteur. Je cite, nos recherches montrent que jouer à des jeux vidéo d'action facile d'accès, ne serait-ce que 5 heures permet d'aider les gens à améliorer leur coordination visuo-motrice. Le fait que nos mouvements soient coordonnés avec ce que nous voyons. Les scientifiques ont fait passer un test dans un simulateur de conduite à 80 étudiants divisé en deux groupes, des gros joueurs de jeux vidéo, donc au moins 5 heures par semaine en moyenne ces 6 derniers mois, et les personnes ne s'adonnant pas à ce loisir. Dans le simulateur, les cobayes devaient tourner un volant pour que leur voiture virtuelle suive une ligne blanche en restant le plus au milieu de la route possible malgré un vent qui faisait bouger la voiture aléatoirement. Résultat, les joueurs étaient bien plus précis dans cet exercice que les non-joueurs. Même conclusion sur un autre test où il était demandé à l'aide d'un joystick de garder un point au milieu de l'écran. Pour être certain que ce n'était pas une coïncidence, les chercheurs ont demandé à des étudiants novices en jeux vidéo de s'entraîner pendant 10 heures. Une partie des cobayes sur Mario Kart, un jeu de course automobile très simple à prendre en main. L'autre sur Roller Coaster Tycoon 3, un simulateur de parc d'attractions lui aussi très abordable, mais plus centré sur la réflexion et la stratégie que sur l'action. Les cobayes ayant joué au jeu de kart ne serait-ce que 5 heures ont vu leur coordination visuomotrice s'améliorer, et plus encore après 10 heures. Alors que ceux ayant joué au simulateur de parc d'attractions, non. Les chercheurs ont également procédé à la même expérience sur Unreal Tournament, un jeu de tir à la première personne, et ont également vu des améliorations des compétences des cobayes. Et le fait d'être conducteur dans le monde réel n'y change rien. Je cite, l'amélioration que nous avons observée chez les participants titulaires d'un permis de conduire était similaire à celle mesurée chez les non-conducteurs. Il semblerait que les jeux de tir tels Unreal ou Call of Duty sont même plus adaptés aux conducteurs plus expérimentés pour s'améliorer. Ces FPS, donc First Person Shooter, requièrent des joueurs qu'ils fassent constamment des prédictions. Par exemple, où et quand une balle risque de les toucher, ce qui développerait la capacité à prévoir les problèmes possibles sur la route. Et l'auteur de l'étude de rappeler qu'il n'y a aucune preuve solide soutenant le fait que jouer à des jeux vidéo de tir à la première personne peut entraîner de la violence dans la vie réelle. C'est toujours bien de le préciser, c'est un article de Scientific American. Maintenant, dans les nouvelles du futur, Ford imagine des taxis autonomes qui vont au-devant des clients. Associé au MIT, Ford étudie des taxis autonomes capables d'analyser les flux de piétons pour ensuite prédire quand et où les utilisateurs auront besoin d'eux. L'essai en grandeur nature commence. À partir de septembre, le campus du Massachusetts Institute of Technology de Cambridge aux États-Unis va devenir un centre de tests grandeur nature pour une flotte de 3 navettes électriques d'un genre particulier. Les étudiants pourront les commander grâce à une application sur laquelle ils préciseront leur destination, mais ce n'est qu'un début. Je cite, les capteurs et caméras embarqués rassemblent des données sur les piétons pour estimer la circulation sur les allées du campus. La clé de ce système réside dans le capteur LIDAR, utilisé par un nombre grandissant de conducteurs. Ils sont encombrants, mais Ford les considère comme les plus fiables pour détecter les objets, les véhicules et les personnes. Cependant, au lieu de repérer et d'éviter les piétons comme le font les véhicules autonomes actuels, les capteurs des navettes du MIT observent la foule et dénombrent les passants en fonction des lieux et du moment. En plus d'adapter leur positionnement en fonction de la fréquentation des lieux, les algorithmes seront ainsi capables de prendre en compte les conditions météo, les emplois du temps des étudiants, ainsi que leurs habitudes sur le campus en fonction du semestre. Je cite, ça nous aide à développer des algorithmes efficaces qui fournissent des données pertinentes, ça améliore les services de mobilité à la demande et favorise la détection des piétons et les efforts de cartographie de la recherche concernant les véhicules autonomes. Toujours dans les véhicules, un panneau publicitaire qui reconnaît les voitures. À Londres, un drôle de panneau publicitaire trône dans un grand rond-point de la capitale. Muni de caméras et de logiciels d'analyse, il identifie la marque, le modèle et la couleur de la voiture qui s'arrête près de lui au feu rouge. Comment? En lisant le numéro d'immatriculation. Pourquoi? Pour diffuser une réclame, une publicité censément ciblée pour le conducteur. Si vous circulez en voiture du rond-point Holland Park à Londres, vous aurez peut-être la surprise d'être interpellé directement par un panneau publicitaire qui aura reconnu votre véhicule. C'est une expérience inédite de publicité ciblée proposée par la société britannique Ocean Outdoor qui est spécialisée dans la création d'espaces publicitaires en extérieur. Le système fonctionne comme ceci. Lorsqu'une voiture s'immobilise au feu tricolore, des caméras installées dans les panneaux d'affichage détectent la plaque d'immatriculation puis comparent le numéro avec une base de données anonyme pour en extraire sa marque, le modèle et sa couleur. À partir des informations, donc une publicité censée correspondre à un profil type s'adresse directement au conducteur, genre « bonjour à vous dans le cabriolet vert ». Le système détermine surtout le type de voiture, que ce soit sportive, berline de luxe, cabriolet familial, etc. Je cite, nous savons par exemple que les chauffeurs de voitures de sport sont plus probablement des hommes de moins de 34 ans. Ils aiment les vacances à l'étranger, ils achètent beaucoup de produits de luxe et s'intéressent aux télécoms. Vous pouvez donc être très subtil dans le ciblage. Le système a été testé pendant un an sur le rond-point Holland Park ainsi que dans la ville de Manchester. La première campagne publicitaire de ce genre a débuté en juillet avec le constructeur automobile français Renault qui s'en sert pour promouvoir le lancement de sa nouvelle Mégane. Je cite, le panneau pourrait faire la promotion d'un nouveau véhicule de la même de même voiture que celle que vous avez, ou bien l'écran pourrait servir d'une publicité pour un modèle concurrent. Il pourrait aussi s'agir d'un nouveau produit destiné à des personnes comme vous, ou bien un message visant à sensibiliser une certaine catégorie de gens. L'entreprise prévoit déjà installer d'autres panneaux de ce type dans les villes de Birmingham, Manchester et Newcastle. Avec ce système de reconnaissance de véhicules, Ocean Outdoor explique qu'il prépare l'avènement de la voiture autonome à bord desquelles les conducteurs de vues passagers auront tout le loisir de laisser flâner leur regard et pourront donc être abreuvés de réclames. Ah, j'avais pas pensé à ça. Connaître et reconnaître l'utilisateur pour affiner au plus près le message publicitaire selon ses profils socio-économiques, habitudes de consommation et navigation est une pratique courante sur Internet. Hey, ça, je le sais-tu, sérieux? Tu sais, je magasine des affaires depuis quelques semaines, pour vrai, et chaque affaire que je magasine, littéralement, j'ai comme magasiné 10 trucs différents. Et à chaque fois que je vais sur un ordinateur qui a déjà été connecté avec mon compte Gmail, c'est tout le temps les pubs pour les mêmes produits, ceux que je suis allé magasiner. Ça n'a aucun sens, je trouve ça tellement capoté. Donc, cette méthode de ciblage qui constitue le fondement de la publicité en ligne est donc en train d'arriver dans le monde réel. Comment les personnes vont-elles réagir? Quitte à subir un matraquage publicitaire, certains préféreront encore qu'ils correspondent à leur goût. C'est ce que je me dis aussi, ça me dérange pas de me faire traquer, c'est pour au moins que les publicités soient intéressantes. Car s'il existe des outils numériques pour atténuer, voire éviter ce suivi, notamment avec le recours à des bloqueurs de publicité, rien de tel est disponible pour les réclames physiques. Bien sûr, une aubaine pour les annonceurs, mais un recul pour notre espace personnel dans la sphère publique, nous dit Futura Science. On reste dans les véhicules pour le Mercedes e-Truck, un premier poids lourd à 100% électrique. Au lendemain de la publication de la deuxième partie du master plan de Elon Musk dont on parlait la semaine passée, on annonçait un camion. Mercedes riposte en présentant le concept Urban e-Truck. C'est donc un camion porteur 100% électrique et destiné au transport de marchandises lourdes en milieu urbain. Le groupe Daimler de la maison mère de le groupe Daimler qui est la maison mère de Mercedes commercialise déjà un camion électrique, le Fuso Canter e-Cell, limité à la distribution légère. Mais Wolfgang Bernhard, PDG de la division camion du groupe, estime que l'amélioration rapide du coût, de la capacité et du temps de recharge des batteries ouvre la voie à des poids lourds 100% électriques. Daimler estime que les batteries se seront améliorées d'un facteur de 2,5 entre 1997 et 2025. Le coût devrait ainsi passer de, là c'est des prix en euros, là, 500 à 200 euros par kilowattheure, donc un petit peu moins qu'à moitié, hein, et la capacité de 80 à 200 watts WH, je sais pas ce que c'est des WH, des watts-heure, 200 watts-heure par kilogramme, je crois. À titre de comparaison, Tesla vise un coût de 100$ par kWh dès 2020 avec sa Gigafactory. Le constructeur compte ainsi produire d'ici 2020 un Mercedes-Benz Urban e-Truck muni d'une batterie de 212 kWh et offrant une autonomie de 200 km avec un poids total de 26 tonnes. Maintenant, on va chez les drones d'Amazon qui pourraient atterrir sur les lampadaires, les pylônes ou les églises. De nouveaux brevets récemment déposés par Amazon donnent davantage d'informations sur la manière dont les drones seront gérés par la société. On sait, dans le cadre de son programme Prime Air, Amazon planche actuellement sur une flotte de drones afin d'automatiser les livraisons dans un périmètre spécifique. Les drones seront en mesure de livrer des paquets pesant jusqu'à 2,3 kg, ce qui représente environ 86% des produits généralement expédiés par la société. Ils couvriront un périmètre de 16 km et l'internaute sera livré en 30 minutes ou moins après avoir confirmé son achat sur le site internet. Wow, on va pouvoir se faire livrer des internautes. L'internaute sera livré, c'est un peu bizarre. Dans de nouveaux brevets repérés par le site Patent Yogi, le cybermarchand décrit des stations d'accueil un peu originales pour positionner les drones aux quatre coins d'une ville. Amazon entend tirer parti des structures verticales. Donc, la société envisage la construction de points de chargement sur les antennes radio. Les pylônes électriques, je me sens visé. Les lampadaires des rues, les toits des bâtiments ou encore sur les clochers des églises. Pour les immeubles, Amazon imagine par ailleurs une petite trappe sous la station d'accueil, laquelle pourrait être activée par le drone afin d'y glisser des colis. Ce dernier serait acheminé jusqu'au bureau du concierge par un tube aspirateur ou un ascenseur. Les tubes aspirateurs, on reviendrait en passer en mousine. C'était cool, ça! Est-ce que vous avez déjà vu dans les films, des séries télé, des tubes qui transportaient des messages, des petites capsules? Ça, c'était vraiment cool! Ensuite, toujours chez les drones, on parle de drones qui aident les maîtres nageurs. Sur la plage de Biscarros, dans les Landes, qui est aussi un berceau de l'hydraviation, une expérience originale est en cours. Un drone spécialement conçu pourrait intervenir pour aider un nageur en difficulté en lui apportant une bouée. Outre la rapidité, l'engin volant sert de repère pour les sauveteurs et une caméra filme la personne en difficulté. L'histoire de cette innovation, testée pour la première fois en grandeur nature en Europe dès le 20 juillet, est d'abord celle d'une rencontre. D'un côté, Fabien Farge, médecin d'urgence maritime de la station balnéaire. J'imagine qu'on l'appelle Fardoche. Fabien Farge. De l'autre, Gérald Dumartin, à la tête de Terra Drone, entreprise locale spécialisée dans la cartographie par drone. Depuis 15 ans, je cite ici, je vois travailler les maîtres largeurs sauveteurs. Ce sont des véritables athlètes, mais on ne peut pas aller plus loin que ne l'autorise la machine humaine. Cela fait 2 ans que je pense à ça. Comment associer un drone à une bouée? Plate comme citation, hein? Les deux hommes procèdent à des essais avec un drone grand public, mais l'expérience se révèle peu concluante. Il fallait un drone qui puisse supporter de grosses variations de vent et qui présente une grande stabilité. Le duo a donc décidé de concevoir un drone spécifique et s'est associé à une jeune entreprise, MyWeb Team, spécialisée en informatique et objets connectés. Résultat, un appareil de 3,9 kg avec à son bord une caméra haute définition pour visualiser la personne en difficulté, une bouée capable de se gonfler automatiquement au contact de l'eau et un système de largage. Pour ses concepteurs, les avantages de Helper, et là ils sont allés loin avec ça, attention, Helper veut dire Human Environment and Life Protection Emergency Response. Oh, hey, ça a du sens! D'habitude, quand on trouve des raisons d'être à un mot, d'habitude, c'est n'importe quoi, tu sais. Donc, si c'est donc environnement humain et protection de la vie, réponse urgente, genre. Donc, il y a une rapidité de projection sur les lieux entre 55 et 80 km/h, permettant de montrer très vite à la victime qu'elle est prise en compte et d'éviter qu'elle panique. Une caméra qui permet de voir dans quel état elle se trouve pour déclencher les moyens adéquats. L'utilisation du drone comme balise visuelle pour les sauveteurs permet de partir à son secours. Donc, on le voit de loin parce que c'est un drone rouge fluo. Le drone peut aussi permettre de lever le doute sur une présumée victime et éviter de mettre en danger la vie du sauveteur. Les initiateurs soulignent surtout la compatibilité de l'usage du drone avec des conditions météorologiques plus favorables, à des vents jusqu'à 50 km/h et une houle imposant le drapeau orange pour la baignade. À Biscarros, alors que les premiers vacanciers arrivent, l'heure est encore aux entraînements pour les 2 mètres largeurs formés au pilotage de l'appareil. L'expérimentation en conditions réelles s'étalera sur un mois jusqu'au 22 août. Lors des démonstrations, l'appareil est arrivé en 22 secondes sur un de ses collègues, jouant le rôle d'un estivant en difficulté à 100 mètres du rivage. Parti de la plage à la nage au même moment, un sauveteur n'était encore qu'à une cinquantaine de mètres du faux noyé lorsque le drone a largué la bouée. Quant au jet ski, devenu indispensable au sauveteur, il doit être mis à l'eau, dompter les vagues et se frayer un couloir parmi les baigneurs. Pour le maire de Biscarros, Alain Dudon, qui a accepté que les 3,5 km de plage de sa commune servent de base expérimentale, le drone reste une solution d'ordre technique qui ne doit pas remettre en cause les effectifs de surveillance. Un premier retour d'expérience sera établi fin août pour améliorer le produit et permettre aux maires, comme d'autres édiles de la côte qui attendent les résultats, de savoir si cela vaut le coup d'investir les 18 000 euros nécessaires à l'achat du nouvel outil. Mais vraiment, vraiment fascinant quand même comme truc. Si ça peut aider au moins un petit peu, pourquoi pas? T'sais? Les drones, pas cher que ça. On reste chez les drones, justement, première diffusion en direct à partir d'un drone pour Radio-Canada. Qui a diffusé en direct l'International des Foules Loto-Québec à partir de drones sur la page Facebook d'ici Grand Montréal. Il s'agissait d'une première. La diffusion en direct avec des drones comporte plusieurs défis, dont celui du décalage entre les images en temps réel et celles qui sont diffusées par Facebook, mais aussi la courte durée des batteries. On peut voler environ 15 minutes avec le drone, mais les feux d'artifice durent 30 minutes. Acheter deux drones, hein? L'idée de miser sur le direct, notamment avec les drones, est d'offrir une perspective différente aux internautes et d'être là où les usagers et les utilisateurs sont. Ce qu'on observe beaucoup avec la diffusion en direct, c'est la qualité de commentaires et de partage qui est beaucoup plus importante que sur les publications traditionnelles. Le potentiel de toucher du public à l'international est aussi un avantage de cette formule. En direct, je cite, « On demande souvent aux personnes qui se joignent au direct de nous dire d'où ils nous regardent. On reçoit des messages du Japon, de Colombie, de France, dont l'expérience est plutôt très bien accueillie. » Donc, la chroniqueuse Marie-Ève Tremblay est allée observer les coulisses des feux d'artifice à la ronde au parc Jean-Drapeau. La diffusion de sa vidéo a fait réagir plusieurs internautes qui étaient intrigués du fonctionnement des feux et surpris de toute la préparation que ça pouvait prendre. En compagnie de Paul Tchoukassi, directeur technique de l'International des Feux, elle s'est promis sur le site Ensablé, où travaillent de 20 à 25 personnes tous les soirs de feux d'artifice. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Pour vrai, tu sais, achetez-en plusieurs drones, puis ça va aller. C'est le début de la technologie, il faut s'attendre à ce que éventuellement les batteries rapetissent, les drones vont pouvoir en prendre plus, puis de plus en plus ça va être de plus en plus abordable pour le grand public. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer une caméra attachée à une grue, c'est un jib, quelque chose comme ça. Facebook veut apporter l'Internet à 2 gigs par seconde avec des lasers. Facebook veut permettre aux personnes se trouvant dans des zones non desservies par les infrastructures habituelles de profiter, elles aussi, d'Internet. Ses travaux en la matière avancent et la firme envisage utiliser un faisceau laser depuis les drones. Donc on reste dans le domaine des drones. Des premiers tests ont eu lieu et les débits obtenus atteignent les 2 gigabits par seconde. Malgré ce débit important, la marge de progression resterait énorme selon Facebook. Comment fonctionne ce laser? Il utilise des fréquences dans les gammes de l'infrarouge via un signal discontinu pour des raisons d'économie d'énergie. Le dispositif est introduit dans des drones équipés de panneaux solaires, c'est le projet Aquila. Leur grande envergure et leur vol à 18 000 mètres d'altitude leur permet de profiter au mieux des rayons du soleil et grâce aux cellules photovoltaïques, leur autonomie atteint plusieurs mois, d'après Facebook. Le véritable défi technologique consiste en une orientation très précise du faisceau laser. Le drone doit viser l'équivalent d'une pièce de 1 cent à la hauteur de 18 000 mètres, sachant qu'il faut prendre en compte des écarts de température qui atteignent parfois les 90 degrés Celsius et qui affectent la trajectoire du faisceau. C'est tout le travail réalisé par le laboratoire de connectivité de Facebook, qui est déjà parvenu à établir une liaison à un débit de 2,1 gigabits par seconde. On rappelle que Alphabet, donc la compagnie mère de Google, travaille sur une problématique similaire depuis 2013 avec son projet Loon, c'est avec les ballons, sans toutefois utiliser de laser. Justement, parlant d'Internet, Bell et Nokia ont testé avec succès le 5G pour la première fois au Canada. En collaboration avec Nokia, Bell a annoncé avoir réussi la première mise à l'essai de la technologie 5G à son centre d'innovation en technologie sans fil de Mississauga, en Ontario. Selon le communiqué, l'essai qui a fait appel à des fréquences de la bande de 73 GHz aurait atteint des vitesses de transmission de données près de 6 fois plus rapides que les vitesses les plus rapides offertes au Canada par la technologie 4G. Bien entendu, l'entreprise de télécommunications s'est félicitée d'être parvenue à de tels résultats. Je cite, « La stratégie de Bell axée sur l'innovation dans les réseaux et les services à large bande a joué un rôle clé dans notre transformation en tant que leader des services sans fil au pays. Ce premier essai réussi de la technologie 5G nous permet d'être à l'avant-garde de la prochaine génération de technologies mobiles, blablabla. » Donc les partenaires, ce sont les membres du consortium Next Generation Mobile Networks, dont Bell fait partie, aux côtés de TELUS, AT&T, Orange, China Mobile et NTT Docomo, entre autres. Rogers n'est pas membre du NGMN, mais il a déjà signalé, qu'ils avaient également l'intention de tester le 5G au Canada, mais l'entreprise semble plus discrète quant à ses projets. Selon Bell, les réseaux 5G devraient être accessibles à grande échelle d'ici 5 à 7 ans, proposant du même souffle des vitesses de transmission significativement plus élevées que ce qui est actuellement possible sur le 4G. Comme le souligne le blog Mobile Syrup, le fabricant mobile chinois Huawei s'est aussi engagé à développer l'infrastructure sans fil, exploitant la technologie 5G. En mars dernier, l'entreprise avait annoncé un investissement de 303 millions de dollars sur une échelle de 5 ans dans le programme du gouvernement ontarien visant à accélérer l'adoption du 5G. Edward Snowden a inventé une coque iPhone anti-espionnage. Le lanceur d'alerte, le whistleblower, tireur de cloche, Edward Snowden a travaillé avec le hacker Andrew Bunny Huang sur une coque batterie pour iPhone capable de détecter toute tentative de surveillance à distance. L'objectif est de fournir aux journalistes ainsi qu'aux activistes un moyen de se protéger contre une mise sur écoute, un vol de données ou même une géolocalisation. Donc, avait lieu aux États-Unis récemment la conférence Forbidden Research du prestigieux MIT Media Lab qui explore les frontières entre la recherche éthique ou non éthique en matière d'informatique. À cette occasion, l'ancien agent de la NSC, Edward Snowden, est apparu via visioconférence pour présenter avec le hacker Andrew Bunny Wang une invention open source qui permet de protéger les individus, en particulier les journalistes et les activistes, contre les risques de mise sur écoute à travers leur téléphone portable. On sait en effet que, même éteint ou mis en mode avion, un téléphone peut être écouté s'il a été modifié ou piraté pour activer le microphone ou la caméra ou pour transmettre des informations copiées sur le smartphone pendant qu'il semble en sommeil. C'est cela qu'une invention cherche à contrer. L'idée détaillée dans un article de recherche consiste à réaliser une coque de smartphone avec batterie en l'espèce pour un iPhone 6 de 4,7 pouces dans laquelle est inséré un oscilloscope miniature. Le dispositif va alors surveiller en permanence l'activité électrique du circuit utilisé par le modem sans fil et détecter lorsque le modem est utilisé pour écouter ou transmettre des informations alors que le téléphone est censé être en mode avion et ne plus émettre ni recevoir de données. L'activité des modules Wi-Fi, GPS, NFC et Bluetooth est également vérifiée par la même méthode. méthode. L'ensemble des calculs est réalisé par un processeur indépendant situé directement dans la coque et non pas par le téléphone mobile pour éviter toute neutralisation du dispositif par piratage du téléphone ou mise à jour du firmware. Ça, c'est le logiciel à l'intérieur du téléphone. De même, l'information sur le statut du téléphone et l'absence d'activité électromagnétique est affichée sur la coque, qui pourra émettre une alerte sonore, voire même désactiver la batterie automatiquement. Un prototype devrait être conçu d'ici un an et mis en production si les deux hommes obtiennent un financement suffisant. Les plans et codes sources utilisés seront mis à disposition de tous parce que c'est open source. D'autres améliorations sont par ailleurs prévues pour inspecter aussi les accès aux fichiers au sein du smartphone. La conférence de présentation peut être vue sur une petite vidéo YouTube sur assemblagerequis.com. Parlant de boîtiers, hein, on parle maintenant de Ecoïsme, le boîtier qui évite le gaspillage électrique. Lauréate du prix Iliev Pulse 2016 dans la catégorie Habitat connecté, la jeune pousse ukrainienne Ecoïsme a conçu un boîtier qui détecte tous les appareils branchés au réseau électrique domestique et préconise pour chacun l'usage optimal afin de réduire la facture d'énergie. Ivan Pasichnik, cofondateur et président d'Ecoïsme, a expliqué à Futura Science comment le gaspillage électrique se combat en le mesurant. Nous sommes nombreux dans ce cas, de retour à domicile après une journée de travail, on commence par allumer les lumières, la télévision, la chaîne stéréo, éventuellement l'air climatisé, le chauffage, avant de prendre place sous la douche, de faire la cuisine ou même de tomber sur le divan. Combien de lampes allumées pour rien, combien d'appareils qui consomment de l'électricité alors que nous ne les utilisons pas? Nous avons tous envie d'éviter ce gaspillage et d'alléger notre facture. Je le fais déjà, peut-être le faites-vous aussi, faut être consciencieux de ces choses-là. Mais il n'est pas toujours évident de s'imposer la discipline nécessaire. C'est là que Ecoïsme apporte une solution innovante. Ce capteur relié au réseau électrique domestique identifie tous les appareils branchés et affiche leur consommation d'électricité individuelle. Grâce à l'application mobile pour smartphone et tablettes, l'utilisateur visualise le gaspillage et reçoit des recommandations pour économiser de l'énergie. Et après ça, se faire dire par Hydro-Québec que les gens sont trop consciencieux, fait qu'il faudrait leur charger plus cher parce qu'on perd de l'argent. Hein? Une fonction qui réjouira donc... je vais recommencer où j'étais rendu. Je cite, si un appareil électrique est laissé allumé trop longtemps comme un fer à repasser ou une console de jeu, Ecoïsme peut le détecter et prévenir l'usager qu'il doit le débrancher ou l'éteindre. Une fonction qui réjouira certainement tous les parents habitués de batailler avec leur progéniture à propos des lumières, téléviseurs, chauffage, etc. qui tournent pour rien. Selon ses concepteurs, Ecoïsme permettrait de réaliser 15% d'économie d'énergie par foyer. Le boîtier serait disponible à partir de l'automne prochain. Donc vous pouvez aller voir une petite question-réponse sur assemblagerequis.com. On dit que les deux principales sources de pertes sont le chauffage et l'air climatisé. Il y a aussi un facteur humain car les gens ont parfois des habitudes qui leur coûtent trop cher et trop d'argent et de ressources. Par exemple, le fait de rentrer chez soi et d'allumer toutes les lumières parce qu'il fait noir dehors et que c'est pas rassurant. Ou bien de mettre le chauffage au maximum pour ensuite ouvrir des fenêtres. Ah, qui c'est qui fait ça? Wow! C'est un peu cave, ça, hein? Des étudiants de l'UQAM remportent un concours international organisé par Google. Pour la première fois de son histoire, la première place du concours Google Online Marketing Challenge organisé par le géant de la Silicon Valley a été remportée par un groupe d'étudiants du Canada provenant de l'école de sciences de la gestion de l'UQAM. James Forbes, Nicolas Archambault-Doucet, Esme Fentner-Lévy et Thomas Saint-Amour ont atteint la première place mondiale de ce concours où les participants sont invités à démontrer leur talent dans le domaine du marketing numérique. L'équipe montréalaise, sous la direction du professeur Harold Buck, s'est associée à l'entreprise Alvéole, qui œuvre dans le maintien des colonies d'abeilles et la production de miel. Cette victoire s'accompagne pour les étudiants d'une rare visite au siège social de Google en Californie, baptisé le Googleplex, reconnu parmi les plus impressionnants bureaux de la planète. L'an dernier, trois équipes de l'ESG UQAM étaient parvenues à se classer dans le top 20 mondial du concours. Allez voir l'article pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. L'impression 3D signe-t-elle la fin des plâtres médicaux? Deux entreprises espagnoles et mexicaines ont élaboré une technique de fabrication de plâtres médicaux par impression 3D. Les avantages sont nombreux, notamment pour la respiration de la peau et la praticité. Pour les patients. Des essais cliniques débuteront en septembre. A-t-on enfin la technologie suffisante pour améliorer radicalement les plâtres que les médecins posent sur les fractures? Deux startups travaillent sur des plâtres en plastique imprimés en 3D, le X-Skelet, genre X-K-E-L-E-T en Espagne, et Mediprint au Mexique. Pour créer un plâtre parfait, le membre cassé est analysé. Le membre est cassé. Donc, on fait des tests en cassant les bras, non, c'est pas vrai. Donc, le membre cassé est analysé, soit par un scanner, soit par des mesures manuelles. Un logiciel conçoit ensuite un plâtre approprié, une structure de plastique dotée de multiples ouvertures. Pour se gratter, j'imagine. Cette dernière est ensuite imprimée, généralement en deux pièces, pour pouvoir la placer autour de la fracture. Dans le cas de Mediprint, l'impression prend environ 3h30, mais devrait être ramenée à une seule heure à l'avenir. Le personnel soignant n'ayant plus à modeler le plâtre à la main gagnerait ainsi en temps. La couleur du plastique est également au choix. Très cool, là, sur la photo, c'est un genre de jaune-orange, là, c'est quand même beau. Ça fait tranche de fromage. Le plâtre imprimé en 3D, nettement plus léger que son équivalent traditionnel, n'absorbe ni l'eau ni la transpiration et laisse la zone fracturée respirer. Les médecins peuvent ainsi vérifier l'état de la peau, surtout chez les personnes âgées dont l'épiderme est très fragile. Le risque d'infection et du cerf cutané est réduit, tandis que de manière plus prosaïque, les démangeaisons sont plus faciles à gratter. Haha, j'avais raison. Les ouvertures facilitent enfin l'option de stimuler la blessure à l'aide d'ultrasons pour accélérer la guérison. Pour autant, aucun plâtre imprimé en 3D n'est pour le moment sur le marché. Exoskelet effectue des essais sur 2 patients et commencera les tests cliniques en septembre. Son PDG estime que le plâtre sera disponible dans les hôpitaux d'ici 6 ans. Il prévoit également une baisse des prix avec l'augmentation de la production. Ceci tourne autour de entre 2000 et 3 et 5000 $ l'unité, c'est quand même cher. L'impression 3D est déjà employée en médecine. On en parle souvent à la chronique Merci Science. Surtout, elle permet de concevoir des prothèses ou de reproduire l'anatomie des patients pour préparer des interventions chirurgicales. D'après le groupe d'études SmartTech Markets Publishing, le marché de l'impression 3D médicale atteignait les 498 millions de dollars en 2014 et pourrait flamber à plus de 5,8 milliards de dollars en 2024. On va à New York. On revient sur Pokémon Go, les délinquants sexuels interdits de Pokémon Go. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a enjoint les services de probation d'interdire à près de 3000 délinquants sexuels fichés de jouer au jeu Pokémon Go afin de protéger les enfants de New York. Le jeu développé par la société américaine Niantic et téléchargé par plus de 75 millions de fois est en effet très prisé du jeune public et permet de localiser d'autres joueurs, ce qui pourrait en faire un outil pour les prédateurs sexuels. Andrew Cuomo a donc enjoint au département pénitentiaire et de probation, le DOCS, d'interdire Pokémon Go aux personnes condamnées pour des délits à caractère sexuel qui ont purgé leur peine mais restent fichées. Il a également adressé un courrier à Niantic lui demandant d'empêcher à ses anciens délinquants de jouer au jeu le plus populaire du moment. Il consiste à attraper des créatures virtuelles que la caméra du téléphone fait apparaître aux environs du joueur. Le gouverneur a expliqué avoir pris cette décision après que deux élus du Sénat de New York aient démontré que les enfants avaient joué sans savoir à Pokémon Go près du lieu de résidence de délinquants sexuels fichés, voire même chez l'un d'entre eux. Aux États-Unis, toutes les personnes condamnées pour des délits à caractère sexuel sont inscrites dans un fichier. Elles doivent s'assurer que les informations les concernant, notamment l'adresse, soient à jour, même que les endroits où il faut qu'elles parlent du porte-à-porte pour dire « Je suis un délinquant sexuel et j'habite à côté de chez vous! » Le gouverneur a également demandé au département pénitentiaire et de probation d'interdire aux délinquants sexuels de jouer à d'autres jeux similaires à Pokémon Go. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il me restait une dernière, mais je pense qu'elle ne veut pas s'ouvrir. C'est bien ça, je vais juste vérifier. J'avais une nouvelle cool, mais est-ce que je l'ai? Non, page non trouvée. Zut de flûte. Voilà, donc c'est tout pour CNX apparemment. Allons-y avec les jeux les plus loués en club vidéo. Commençons par la position numéro 9, parce qu'il n'y a pas de numéro 10 depuis quelques temps. Position numéro 9, donc Grand Theft Auto 5 sur Xbox One. 8e, Minecraft Wii U Edition sur la Wii U. En 7e, Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One, je parle trop vite. 6e place, Rocket League Collector's Edition sur PS4. En 5e, Uncharted 4 A Thief's End sur PS4. En 4e, Overwatch Origins Edition sur Xbox One. En 3e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur Xbox One. En 2e, le même jeu sur PlayStation 4. Et en 1ère place, c'est Overwatch Origins Edition sur PlayStation 4. Voilà pour les jeux les plus loués en club vidéo. On retourne en chiptune. Enfin, allez entendre une pièce de Orsenec que voici avec Team of Gonzo. NPS, le Mathieu Plante Show sur ses Chip Tuner par Cérès, précédé de Team of Gonzo par Arsenic au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est cool, on a le temps de faire C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Télévision! C'est un fait Télévision, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet dans le domaine des jeux vidéo, bien sûr, de l'informatique. Commençons en 2013 avec le jeu vidéo Last of Us, qui a un, ce qu'on appelle un Easter egg en anglais, donc un œuf de Pâques ou un petit truc caché. Dans le fond, il y a le numéro de téléphone d'une compagnie anti-peste, anti-bibite, truc comme ça, une affiche qui est dans le jeu. Si le joueur appelait ce numéro-là dans la vraie vie, il tombait sur une ligne fond de sexe. Hotline, comme à VTL la nuit. Donc ceux qui font le jeu ont rapidement patché le numéro de téléphone, non pas en l'enlevant ou en changeant le numéro, mais en mettant des genres de taches dessus. Allez voir sur Internet, il y a un article, si vous cliquez sur assemblagerequis.com, on voit qu'ils ont rajouté des taches de je sais pas trop ce que c'est, mais ça masque le numéro. Ce qui, quand même, je trouve pas mal plus cool. Ensuite, on parle de... This is the Police. Un jeu qui s'appelle This is the Police par Weepy Studios sur PC. La date de sortie du jeu a été repoussée au 2 août 2016, donc hier, pour ceux qui écoutent en direct. Au début, c'était supposé être le 28 juillet, étant donné que l'éditeur du jeu, Euro Video Million, a oublié d'appuyer sur le bouton Ready for Final Approval, donc prêt pour approbation finale sur Steam. Ils ont bien appuyé sur le bouton à temps pour que Steam puisse approuver le jeu vidéo. Donc, ils ont été obligés d'attendre une semaine de plus. Parce que si on regarde le 2 août, attention, 2 août, un petit peu moins d'une semaine, mettons. Une semaine moins deux jours. 5 jours ouvrables, finalement. Donc, c'est ça. C'est comme quand vous oubliez d'appuyer sur envoyer pour votre message texte. Hein. Sauf que ça a un petit peu plus de répercussions. Hein. Ensuite, dans Super Smash Bros. Melee de Nintendo sur GameCube, Wario était supposé être un joueur à l'origine dans Melee, mais n'a pas été ajouté par manque de temps. Il y avait même un des plus hauts potentiels d'être dans le jeu, selon les sondages. Sakurai avait même dit, le gars qui s'occupait du jeu, qu'il aurait été inclus s'il avait eu le temps. Mais comme il n'y avait pas de contenu téléchargeable à l'époque de la GameCube, on ne l'a pas ajouté. Bien sûr, tous ces faits-là en ce moment sont sur vgfact.com. Si ça vous intéresse, allez sur assemblagerequis.com pour en voir d'autres faits que j'ai pas choisis. Ensuite, South Park, The Fractured But Whole, qui est le plus récent jeu de South Park sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu à l'origine devait s'appeler The Butthole of Time, donc l'anus du temps, The Butthole of Time. Par contre, ils se sont fait dire que les magasins, les vendeurs n'allaient pas permettre le terme Butthole sur leur tablette, donc les créateurs de la série, Trey Parker et Madison, ont décidé de faire un jeu de mots, ce que j'apprécie toujours, The Fractured Butthole. Hole, ce qui est comme un jeu de mots entre le fracturé mais complet, mais c'est comme un jeu de mots avec bâton. En français, il y a un jeu de mots aussi, attends un petit peu, je me rappelle l'avoir vu l'autre jour, j'ai fait mes recherches là-dessus, mais je l'ai complètement oublié. L'anal du destin, voilà. Qui est aussi un jeu de mots, donc je continue d'apprécier le travail de South Park. Ensuite, Pokémon Go! On y revient, il faut tout le temps le mentionner au moins 3 fois par émission. Donc, par Niantic sur Android et iOS. Si vous nommez votre Eevee soit Sparky, Rainer ou Pyro, ça va vous permettre de le faire évoluer soit en Jolteon, Vaporeon ou Flareon, respectivement. C'est apparemment une référence aux personnages de Sparky, Rainer et Pyro, qui sont les frères Eevee dans la série animée de Pokémon. Je l'ai dit au complet sans comprendre un seul mot. Maintenant, Earthworm Jim, en 2006, un nouveau jeu de Earthworm Jim a été annoncé. Ça, c'est le personnage en vers de terre. Donc, il portait le nom de Earthworm Jim PSP. On peut s'entendre que ça allait sortir sur la console PlayStation Portable. Ça aurait été donc un remake en 3D complet du premier jeu pour la PSP. 80% du jeu a été complété, mais le jeu a été annulé à cause des raisons budgétaires avec Shiny Entertainment. Il y a des photos qui sont disponibles sur assemblagerequis.com. C'était vraiment super beau en plus. J'ai tellement aimé jouer à Earthworm Jim quand j'étais jeune. C'est un jeu que je trouvais tellement trop difficile. Je comprenais rien la plupart du temps. Mais j'avais du plaisir à jouer à ça. Ouais. Justement, tiens, parlant de Earthworm Jim, après l'annulation de Earthworm Jim PSP, on a essayé de faire un autre nouveau Earthworm Jim, une suite qui portait le nom de Earthworm Jim 4. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été données par rapport au jeu, autre que le créateur de la série, Doug Tnapple, était revenu sur le jeu en tant que consultant créatif. Les rumeurs ont commencé à sortir de partout que le jeu allait être développé pour la Nintendo Wii. Doug Tnapple a commenté, et là c'est un très très long paragraphe, je vais faire mon possible, je cite... Aïe, aïe. J'ai besoin de vraies sources dans la presse pour que... OK, j'ai besoin que les sources dans la presse calment les rumeurs ou clarifient les rumeurs. J'ai lu un post... OK, j'abandonne. En 2012, c'est beaucoup trop... Le texte est trop écrit, en parole normale. Que c'est pas un communiqué de presse que j'aurais été capable de lire très facilement. Bref, à une conférence de développeurs en 2012, David Perry, le designer principal pour le premier jeu de Earthworm Jim, avait expliqué la prémisse possible pour le quatrième titre de Earthworm Jim et confirmant aussi que ça allait être un jeu en 2D, non pas en 3D. Le reste des paragraphes, pour vrai, les paroles des gens, je vais les laisser tomber. Hein. Ça me prend 3 heures sinon. Final Fantasy 13-2 13-2 par Square Enix et Tri-Ace sur Android, iOS, PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Arena Home Plus, qui est un magazine de mode pour hommes au Japon, a mis en vedette les personnages du jeu pour la collection d'été de Prada en 2012. Maintenant, Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins sur PC, PlayStation 3, Wii U et Xbox 360. Le personnage de Copperhead demandait en fait 3 acteurs avec du motion capture, donc capture des mouvements par les petites balles. Donc 3 acteurs pour l'animer. Il y avait une cascadeuse, une personne du set du soleil et un art martialiste, une personne qui fait des arts martiaux. Donc les versions du jeu du personnage Copperhead était une femme à la place d'avoir la version masculine dans les bandes dessinées. C'est l'écrivain de DC Comics Jeff Johns qui a participé à la décision. Cette version du personnage-là était supposée aussi apparaître dans les bandes dessinées sous le nom de New Copperhead. Ensuite, Kirby's Adventure sur la NES. Dans le remake de Kirby's Adventure, Kirby Nightmare in Dreamland, le site web officiel japonais pour le jeu avait plusieurs captures d'écran qui étaient prises à différents points du développement, donc des points avant la sortie du jeu. Poppy Brothers Senior apparaissait dans une de ces captures d'écran-là. L'image montrait que le sprite, était, le sprite c'est le, l'image du personnage, était supposé être similaire à son sprite de Kirby Superstar, alors que ça n'a pas été le cas dans le jeu final. Super Smash Bros. Brawl, maintenant sur la Wii, Wolf, Jigglypuff et Toon Link ne participaient pas au scénario de Subspace Emissary parce qu'ils étaient pas ils sont passés très proches de ne pas être dans le roster, donc dans les personnages possibles à sélectionner du jeu. On les a ajoutés plus tard dans le processus, donc on n'a pas eu le temps de les mettre dans le scénario Subspace Emissary. On parle donc de Wolf, Jigglypuff et Toon Link. Maintenant, Kid Dracula sur la Game Boy. À l'origine, lorsque Kid Dracula volait dans la séquence d'introduction, il passait devant une église avec une croix au sommet, une cloche. La tour a été changée dans la version internationale pour ne pas donner de signes religieux. Et malgré ce changement-là, on peut quand même entendre la cloche sonner, même si elle a été enlevée du jeu. Ça me fait vraiment très rire. Dans D2. D2 The Game par la compagnie Warp sur la Dreamcast. Dans la sortie japonaise du jeu, pendant la cutscene, la scène cinématique qui apparaît avant de se battre contre et là il y a un spoiler ici, le grand-papa possédé de Jenny. Il y a une tentacule qui lui sort de derrière. Et ensuite on la voit entre ses jambes. C'était changé pour la version internationale pour que la tentacule sorte de sa poitrine. Ce qui est beaucoup plus correct, hein? Dans la poitrine, c'est pas du tout dégueulasse, une tentacule qui sort de la poitrine. Justement, parlant de D2 The Game sur la Dreamcast, dans la version japonaise de la scène d'introduction du jeu, Kimberly Fox est vue en train de d'être capturée par un monstre. Et le monstre met sa tentacule dans sa gorge. Ça a été changé dans la version internationale pour ajuster l'angle de caméra pour que la tentacule ne soit pas vue en train d'entrer dans la bouche. Donc on est comme à côté, on voit, t'sais, on le comprend, mais on voit pas la tentacule dans la bouche. Est-ce que c'est un tentacule? Comme un trampoline, peut-être. Dans Mortal Kombat X sur Android, iOS, PC, PlayStation 4 et Xbox One, l'effet sonore très très gore a été fait en squishant une substance gluante dans un bol avec un débouche-toilette et en frappant plusieurs fruits, légumes et noix avec un marteau. Il y a une photo de comment ça s'est fait sur assemblagerequis.com, ça donne le son super gore qu'il y a dans Mortal Kombat 10. Parlons maintenant de Animal Crossing. Il y a un film en fait de Animal Crossing qui s'appelle Dobutsu no Mori. Kekijoban Dobutsu no Mori, qui est sorti au Japon. L'histoire est basée sur Animal Crossing Wild World. Le film n'est jamais sorti à l'international. Maintenant, parlons de la console Nintendo 3DS. Dans les versions américaines et japonaises du jeu sur 3DS, Street Pass Mi Plaza, lorsqu'on essaie d'acheter du contenu à télécharger de la part du lapin, mais qu'ensuite on refuse de l'acheter. Donc on dit « je veux l'acheter », ensuite on dit « non, finalement je l'achèterai pas », le lapin va être déprimé. Il va dire « ok, je comprends ». Par contre, la version européenne enlève la réponse déprimante et remplace ça avec un trait neutre « d'accord, fair enough ». C'était fait pour rencontrer les règles, les lois européennes par rapport à la manipulation des enfants. On veut pas manipuler les enfants pour qu'ils fassent des achats. Je cite, « Les jeux ne devraient pas inclure des pratiques agressives ou qui sinon auraient un potentiel d'exploiter l'inexpérience d'un enfant, sa vulnérabilité ou sa... » Est-ce qu'on peut dire crédulité sur ma part? « Ou sinon placer une influence ou une pression sur un enfant pour qu'il fasse un achat. » Voilà. Ensuite, on parle de Nintendogs sur la Nintendo DS. Le Boxer, vous connaissez peut-être le chien Boxer. on fait juste parler de ça sur Facebook en ce moment. Donc le Boxer, le Husky Sibérien, le Golden Retriever et le Dalmatien n'étaient pas dans la version japonaise d'origine du jeu. Ils ont été ajoutés aux versions localisées nord-américaines, entre autres. Ces sortes de chiens-là ont plus tard été inclus dans les versions japonaises pour la première fois dans Nintendogs and Cats plus tard. Maintenant, Resident Evil de 1996 sur DS, PC et PlayStation. Dans la version DS, les deux versions japonaises Attention. Non. Dans la version DS, les deux versions japonaises de la version PlayStation et Saturn et certaines versions PC, la cutscene est cinématique après avoir rencontré le premier zombie a une scène où la tête de Kenneth tombe par terre et roule vers la caméra. La scène de la tête a été enlevée de toutes les autres versions, même si sa tête est quand même détachée de son corps. Dans les jeux suivants qui contiennent la même scène, par exemple Resident Evil en 2002, j'imagine qu'il y a un flashback, et Resident Evil The Umbrella Chronicles, la tête de Kenneth reste attachée à son corps. Encore une fois, de la censure. Dans Batman Arkham City sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, le premier teaser, la première bande-annonce qui annonçait la bande-annonce, il y a tout le temps un teaser avant le trailer, mettait en vedette Harley Quinn dans son costume de Batman Arkham Asylum. Même si un tout nouveau costume avait été complètement dessiné pour le jeu final, c'est possible donc que le trailer a été fait avant que le costume change dans le jeu. Là, je me rends compte qu'on a beaucoup plus de temps que je pensais, donc je vais m'en ouvrir une autre dizaine, ça ne me dérange pas. On a le temps, ça, vous n'avez rien de mieux à faire, non? Ça va? Donc, une autre dizaine de faits. Commençons par un fait sur le développeur Sony. Tiens. Toujours selon VGFacts.com, en 2015, Sony Computer Entertainment of America a essayé de s'acheter la marque de commerce pour le terme « Let's Play ». Avec le bureau des brevets, le United States Patent and Trademark Office. Par contre, ça a été rejeté par le bureau parce que c'était beaucoup trop similaire à une autre marque de commerce qui est pour Let's Play of America. Let's Play, mais avec un Z à la place du S dans Let's. Une compagnie basée en Géorgie qui organise et connecte les joueurs de jeux vidéo à des événements en ligne et hors ligne. C'est eux qui ont la marque de commerce depuis 2013. Maintenant pour le jeu The King of Fighters 98 sur arcade, Dreamcast et PlayStation. Dans la version japonaise de The King of Fighters Dream Match 1999, King, le personnage de King, va lancer une coupe de vin à l'écran pendant la scène d'introduction. Donc ça et la pause d'entrée de King et Ralph Jones les montrent donc en train de boire de l'alcool. Ces références-là ont été censurées dans les autres versions. Vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pour voir la photo avec et sans alcool. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce genre de choses-là. Ensuite, dans Wii Sports Resort sur la Nintendo Wii, lorsqu'on joue sur Island Flyover et qu'on passe devant le phare, il y a des avions qui communiquent via code Morse qu'on peut entendre. En fait, il y a trois codes différents qu'on peut traduire sous les phrases suivantes, évidemment en anglais. Morse code, it takes forever, it sure does. Donc, le code Morse, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ah, ça, c'est certain. Does anyone out there know Morse code? Sorry, use your radio. Donc, est-ce que quelqu'un connaît le code Morse ici? L'autre personne répond, désolé, non, utilise ton radio, ton CB. Et why does anyone use Morse code anymore? Good question. Pourquoi est-ce que les gens utilisent toujours le code Morse? Et l'autre répond, très bonne question. Donc, des petites blagues auto-référentielles, super méta, j'aime ça. Maintenant, dans le jeu Mother, qu'on appelle ici Earthbound Beginnings, sur la NES, il y a 5 prototypes de la carte. 5 cartouches prototypes du jeu NES de la version nord-américaine de Mother Earthbound. 4 cartouches prototypes ont été achetées par des collectionneurs et la 5e est une propriété de Nintendo of America Inc. La traduction anglaise était complétée mais n'a jamais été envoyée aux États-Unis jusqu'à 25 ans plus tard. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Le 14 juin, au Nintendo World Championships 2015, Nintendo a annoncé que Mother s'en est sur la Wii U, console virtuelle, sous le titre de Earthbound Beginnings. Il a fallu attendre 25 ans. Il y avait des versions non officielles de ça quand même, sur les émulateurs. Justement, parlant de Mother et Earthbound Beginnings, la version prototype NES de Mother a un message anti-pirate l'empêchant d'être joué sur un émulateur. Un groupe de traduction de ROM, c'est les fichiers de jeux vidéo en tant que tels, ceux qu'on peut utiliser dans un émulateur. Le groupe de traduction de ROM Neo Demi Force a créé un ROM qui contourne les mesures anti-pirate. Ils ont aussi ajouté le mot 0 à l'écran titre pour empêcher la confusion avec Mother 2. Qui est sorti aux États-Unis sous le nom de Earthbound tout court. Les chiffres étaient comme pas égaux, fait que là on l'a appelé Mother. Non, on l'a appelé Earthbound Zero ou Mother Zero? Bref, on l'a appelé Zero. Hein? Voilà. C'est Earthbound Zero. Voilà. Ensuite, Undertale sur le PC. Une note écrite à la main existe dans les données du jeu demandant aux joueurs de ne pas poster de sprite sheets, donc de feuilles de renseignements sur les dessins du jeu, entre autres. Il disait donc d'attendre au moins un an après la sortie du jeu, après que tout a été vu dans tous les contextes, parce que la note, dans le fond, mentionne que le partenaire de VGFacts, The Spriters Resource, sortait des sprites sur Internet, dans le fond, surtout que le jeu sortait. Donc, dans le fond, on essaie de ne pas gâcher les spoilers, j'imagine, de ne pas gâcher le jeu pour les gens. Cette note-là a été remplacée par un message, une image différente après la mise à jour du jeu le 20 janvier 2016. Donc, j'imagine que la note était juste avant la sortie du jeu. Ça disait « Please don't upload these huge sprite sheets online. » Donc, veuillez ne pas téléverser, télécharger ces grosses sprite sheets en ligne. Juste parce que la plupart des choses ici sont utilisées, j'aimerais mieux qu'elles soient vues en contexte avant. Attendez genre au moins un an avant. Et si vous faites juste ripper ces sprites-là pour Spriter's Resource, bref, ça parle vraiment spécifiquement du jeu. If you're just ripping normally seen sprites for Spriter's Resource or SMTH, I don't care if you use these to make it easier though. Je comprends pas trop. On va rester sur le jeu Undertale. Avant le 20 janvier 2016, il y avait un fichier audio non utilisé contenu dans le jeu qui s'appelait abc123a.ogg. Ça contenait plusieurs phrases du text-to-speech. Donc, tu sais, quand on prend du texte et qu'on le transforme en voix, un peu à la voix robotisée, là, qui avertissait le joueur de ne pas gâcher le jeu en ligne. Ne pas dire la fin du jeu, ne pas dire les éléments clés. Ça a depuis été remplacé par un autre clip qui riait du joueur. Donc, on va pouvoir écouter le son qui était dans le jeu avant le 20 janvier 2016. Hello, have some respect and don't spoil the game. Ayez un petit peu de respect, ne gâchez pas le jeu. C'est impossible d'avoir des mystères de nos jours à cause de gens comme vous. S'il vous plaît, gardez ça entre nous. Si vous postez ça en ligne, je ne vais pas. Ce sera votre faute. Je pense que ça dit je ne vais pas publier d'autres jeux. C'est ça? Juste écoutez le bout. I won't make any more secrets ou sequels. Peut-être que je ne ferai pas d'autres suites. Mais c'est tellement une drôle de voix. Il faudrait un interprète pour ça. Voilà donc Undertale. Allez voir le reste des faits sur assemblagerequis.com et on en fera d'autres probablement la semaine prochaine parce qu'on n'a pas Samuel jusqu'à la fin de la session estivale. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Planchot pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve mercredi prochain entre 15h et 17h. Toujours en rappel, les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous trouve aussi à Assemblage Requis en direct les mardis de 14h à 17h. Et la plupart des soirs, la mise en onde du baseball Les Aigles. Il y a un match ce soir, mercredi, mais après ça, il n'y en a pas pendant 11 jours. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye! We'll be right back.